Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Maurice Petric, qui est directeur du centre Norbert Elias à Marseille, de l'école d'études à Marseille. Il va nous traiter aujourd'hui du thème suivant, écriture filmique et le renouvellement épistémologique dans les sciences sociales. Alors, c'est tout un programme. Et je suis persuadé qu'il va nous énoncer ses hypothèses et sans doute nous proposer des solutions issues de sa riche expérience à la fois d'anthropologue et de cinéaste. Maurice, à toi. Merci Jean-Bernard. Je suis ravi de revenir un peu à la maison puisque j'ai longtemps été au Laïos et au Yac en compagnie de Jean-Bernard où on a essayé de faire des choses ensemble autour de la question de l'audiovisuel. Donc effectivement, je suis à Marseille depuis 4 ans. Je suis anthropologue, j'ai beaucoup travaillé sur les sociétés post-socialistes. J'ai commencé à travailler sur l'ex-Yougoslavie, puis ensuite l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, où j'ai vécu 5 ans. Et je travaille aujourd'hui sur la Chine et sur le développement du vin en Chine, parce que la Chine va devenir le premier producteur de vin dans probablement d'ici 2 ans. Et je travaille sur tous les transferts de savoir-faire des Français, des pépiniéristes, des œnologues, des architectes qui sont en train de construire le vignoble chinois. Donc voilà. Je vais peut-être vous dire, avant d'en venir à parler plus précisément de ces questions d'écriture, d'où je parle et de mon expérience personnelle par rapport au film. Donc dès que j'ai commencé à faire l'anthropologie, je me suis intéressé au cinéma documentaire en général, et pas seulement à l'anthropologie visuelle, ça c'est un point important. Et donc cette question du film, je pense que c'est important parce que, d'abord, les chercheurs ne sont pas les seuls à faire des films. Et comme le dit Howard Baker, il y a d'autres disciplines qui s'intéressent à la connaissance de la société. Et donc dans son livre, où il s'intéresse aux différentes manières de parler de la société, il rappelle que justement il y a des rapports entre les arts, la photographie, le cinéma, les peintres, pour décrire la réalité sociale. Dans ce livre d'ailleurs, il exprime un vœu qui est de renouer des liens avec tout un ensemble de disciplines en fait, qui s'intéressent justement à l'analyse de la vie sociale de façon différente, avec des règles et des contraintes différentes. Et je pense que c'est un peu la situation que nous vivons aujourd'hui, à une époque où ces liens ont existé, à d'autres époques, et notamment juste avant l'institutionnalisation des disciplines, à la fin du 19e, au début du 20e, il y avait ce qu'on appelait les cabinets de curiosité, qui étaient des lieux où justement l'interrogation sur ce qui paraissait curieux dans la nature ou dans la vie sociale faisait l'objet d'interrogations dans des salons savants et qu'il n'y avait pas une hyper spécialisation des disciplines. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les disciplines se sont hyper spécialisées, avec parfois des langages ésotériques, notamment en anthropologie ou en sociologie. J'ai souvent des livres qui me tombent des mains parce que ça jargonne, il n'y a plus de réflexion sur la narration, sur à qui on s'adresse. Et on s'adresse souvent à 4 spécialistes qui ont développé une théorie et qui nous coupent aussi d'une certaine réalité sociale. Donc ça, c'est un point sur lequel je reviendrai, mais qui me paraît important. Alors pourquoi nous parlons de ces histoires d'écriture aujourd'hui? C'est que je pense qu'il y a trois phénomènes concomitants que nous vivons depuis quelques années. Le premier, c'est l'effondrement des grands récits, c'est-à-dire des récits idéologiques et théoriques qui ont structuré les disciplines des sciences sociales et qui ont aussi accentué un certain rapport à l'analyse sociale et à l'empirisme. C'est-à-dire que nos disciplines s'enracinent justement dans des enquêtes, dans une manière singulière de construire nos sources qui repose sur l'expérience du terrain, et que tout ceci s'est construit à un moment donné où il y avait des approches théoriques assez globales sur l'explication du monde. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de bouleversements géopolitiques, et aussi un espace critique des grands récits théoriques, que ce soit le structuralisme, le marxisme, etc. Donc ça, c'est l'effondrement de ces grands récits, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle le « digital turn », c'est-à-dire que l'Internet est une révolution au même titre que le livre a eu un impact énorme sur la diffusion du savoir, sur la manière de construire la recherche et de transmettre aussi le savoir. Et le digital turn a des implications sur la manière dont on écrit, forcément, parce qu'à la fois dans la manière dont on peut associer le texte, le son, l'image, mais aussi la manière de diffuser et de la variété des publics et des audiences que l'on peut toucher. Le troisième point qui concerne ces questions de réflexion autour de l'écriture et les sciences sociales, c'est ce qu'on appelle la globalisation. Alors, j'utilise moi plutôt le terme de globalisation que mondialisation. La globalisation comme un phénomène inédit d'une accélération de la circulation des images, des personnes et des marchandises. Donc cette globalisation a un impact à plusieurs titres pour la question d'écriture, mais aussi pour la réalité des sociétés. L'anthropologie s'est constituée beaucoup sur l'idée d'aller étudier des sociétés isolées. Et lorsqu'on fait du terrain, comme moi, ça a été le cas au Kyrgyzstan ou en Chine, ce qu'on constate, c'est que dans un village, ces sociétés sont en lien, ont des liens très complexes à différentes échelles. Donc d'un point de vue méthodologique, la transformation sociale liée à la globalisation implique aussi de réfléchir à la question des échelles auxquelles on mène nos enquêtes. J'ai parlé du Kyrgyzstan sur lequel j'ai travaillé. C'est une société qui est concernée, qui n'est pas une société isolée, exotique, qui ne serait pas en contact avec tout un ensemble de réalités liées à la globalisation, mais au contraire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « On a mangé nos moutons », édité en 2013 chez Belin, où j'ai essayé de montrer que cette société, au contraire, se reconstruisait après l'expérience post-soviétique sur la captation de flux qui venaient de l'extérieur, et notamment les ONG américaines, le commerce avec la Chine, tout un tas de flux assez complexes qu'on peut mesurer à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'une vallée, qui est le terrain privilégié de l'anthropologue. Donc on voit bien que les disciplines sont confrontées donc à ces trois questions qui amènent à s'interroger d'abord sur la question de la démarche empirique et la construction de nos données. Les données ne sont pas des données objectives et naturelles qu'on collecterait sur le terrain, mais font l'objet déjà de tout un ensemble de choix et de sélections qui fait que c'est déjà pour moi une forme d'écriture. Mais je reviendrai à une étape de l'écriture. La deuxième chose, c'est que ce changement technologique implique aussi des réflexions sur les outils qu'on peut utiliser tout au long de l'enquête pour capter le son, l'image, etc. Et donc là aussi, c'est tout un ensemble d'étapes où si on veut faire un film ou si on veut faire un document sonore, c'est pas à la fin de l'enquête qu'on doit envisager cette question de l'écriture, mais dès le début. Pour développer des compétences techniques, mais aussi envisager tout un ensemble de contraintes et de règles à respecter, et acquérir aussi, bien sûr, des techniques. Et enfin, cette question de l'enquête par rapport à la globalisation, c'est la question de toutes les questions qui ont été posées autour de Marcus sur l'enquête multisituée, qui implique aujourd'hui, parfois, pour comprendre la réalité sociale, même lointaine, d'envisager une enquête qui se situe à différentes échelles, dans différents lieux, et non pas chercher à construire une monographie exhaustive d'un village ou d'une société isolée. Donc on voit aussi que l'anthropologie et la sociologie travaillent de plus en plus sur des contacts, des interdépendances complexes, qui ne recoupent pas forcément les frontières des sociétés, des communautés villageoises, etc. Alors, par rapport à ces trois points, je pense qu'une des premières choses que je souhaite souligner, c'est que en anthropologie, Il y a eu une ambiguïté développée, à mon avis, par Lévi-Strauss sur la manière dont il a conceptualisé l'anthropologie sociale comme étant une étape d'une démarche scientifique qui repose sur une division des tâches où il y aurait de l'ethnographie, de l'ethnologie et de l'anthropologie. Alors selon lui, l'ethnographie c'était la collecte des données, l'ethnologie c'était la connaissance d'une culture et l'anthropologie c'était la comparaison des cultures. Alors en fait cette division de l'activité scientifique pose problème parce que ça renvoie à l'idée que l'ethnographie est un moment objectif, neutre, où le chercheur ne fait pas tout un ensemble de choix pour finalement réduire la réalité. Donc ça, c'est un problème, et ça renvoie aussi à une division du travail que Lévi-Strauss a lui-même utilisé. C'est-à-dire que les ethnographes, c'était souvent des gens issus des populations locales. L'ethnologue, c'était un spécialiste d'une culture. Et l'anthropologue, c'était lui qui avait la capacité de faire la comparaison entre toutes les cultures. Et on sait que Lévi-Strauss est allé au Brésil et qui a donné lieu à son livre Triste Tropique, mais qu'il n'avait pas un goût particulier pour le terrain. Et ça pose un problème justement sur ce rapport à la construction de la réalité. Pour moi, les données ne sont jamais des données objectives. Et je rejoins ce que disait Howard Baker par rapport à ça, c'est que déjà, lorsqu'on enquête, on est face à une réalité qui est forcément infinie et que nous sommes tout le temps dans un processus de réduction de la réalité qui va se terminer par la fabrication d'un livre, d'un film, mais que dès le début dans l'enquête on réduit la réalité. Un cahier terrain est d'une certaine manière est une écriture où on réduit, on choisit, on fait les choix pour réduire la réalité, pour essayer de comprendre ce qu'on voit. Donc en fait, cette idée de l'ethnographie pose un certain nombre de problèmes sur la question justement de la construction des données. Alors Lévi-Strauss n'a pas le monopole de la définition des sciences sociales, il y a d'autres manières d'envisager les choses, heureusement. Je pense bien sûr à Ballandier, mais aussi à tous les travaux de l'école de Manchester, ou alors en sociologie à l'école de Chicago, qui a privilégié la question de la description. La description dans la manière de justement construire une analyse sociale. La description n'est pas seulement des faits, mais la description contient déjà en soi une forme d'analyse implicite de la réalité sociale. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine forme de confusion par rapport au terme d'ethnographie, où beaucoup de disciplines se réfèrent à l'ethnographie, la science politique. On va sur le terrain quelques heures faire un entretien et on considère que c'est de l'ethnographie. Non, l'ethnographie, c'est une imprégnation longue dans une société, dans un monde social qui implique développer des compétences linguistiques, de comprendre cet univers. C'est pas du tout aller quelques heures sur le terrain. Donc ça, c'était important, de le préciser par rapport à la question de l'écriture en général, et du film en particulier, parce que le film, on est justement confronté à l'articulation d'images où la question de la réalité sociale et de la description est essentielle. Alors, dans nos disciplines, il y a une certaine forme d'ambiguïté sur... Donc pour moi, le cinéma est une forme d'écriture, la photo peut être une forme d'écriture, la bande dessinée peut être une forme d'écriture, le dessin, etc. Souvent, dans nos milieux académiques, c'est considéré comme des entreprises de valorisation ou de vulgarisation. Dans nos évaluations, par exemple annuelles, vous mettez vos publications et à la fin, on vous demande si vous avez fait... Donc ce qui implique une forme de dépréciation de ce type de démarche, et qui pose problème aussi sur le rapport au public et à notre audience. Puisque finalement, parler de vulgarisation ou de valorisation, c'est dire que ça serait en fait une entreprise bien particulière de la recherche qui s'adapterait justement à un univers de non-spécialistes. Alors, Je conteste aussi cette vision des choses. Hein. Et je pense que, en s'intéressant au cinéma, par exemple, le cinéma a un rapport circulaire à l'anthropologie, à la sociologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui construit un film va se poser des questions méthodologiques et épistémologiques au même titre que quelqu'un qui va écrire un livre. Il va se poser des questions sur la narration, sur son enquête, sur le rapport qu'il a à ses enquêtés. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des points un peu épistémologiques qui me paraissent, qui reviennent en fait dans toute la démarche de l'enquête sociologique et anthropologique, et qui se pose bien sûr quand on fait un film. Alors le premier, c'est la question de la narration. Le deuxième, ça sera la question de la représentativité. Le troisième, ça sera la question, ce que j'ai appelé le rapport au monde, parler des émotions, des sentiments que peut avoir une société. Ça peut être le rapport à la nature, ça peut être le rapport à un événement. Le quatrième, c'est des choix éthiques. Parce que, comme nous avons une activité qui est liée au rapport relationnel que nous avons avec nos enquêtés, ça a tout un ensemble d'implications éthiques sur la manière de travailler. Et le cinquième, c'est la question du public. La question du public, c'est-à-dire savoir pour qui on écrit. Donc en fait, ça renvoie à ces cinq questions. En gros, la narration, c'est qui parle. Le deuxième point, la représentativité, c'est quoi ? Sur quoi on travaille. Le troisième point, sur le rapport au monde, les émotions et les sensations, on va dire c'est justement une question liée aussi à cette question de la représentativité et du quoi, sur quoi on travaille. Et les choix éthiques, c'est comment. Et enfin, le public, c'est pour qui. Alors, tout ceci amène d'abord un premier constat, c'est sur la question de la narration. La narration, le récit, est quelque chose qui a été très enseigné au théâtre, au cinéma, dans le domaine des belles-lettres, on va dire. Et la sociologie et l'anthropologie a cherché à se distinguer dès le début du XXe siècle de ce type de démarche pour prétendre à un discours qui serait objectif, qui serait construit sur d'autres registres et qui se distinguerait concrètement d'une démarche liée aux belles-lettres. Alors bien sûr, tout ça a été discuté, et aujourd'hui tout ça se rediscute, mais la question de la narration, à mon avis, aujourd'hui est essentielle. En même temps, cette question n'est jamais enseignée. Dans un master d'anthropologie ou de sociologie, il n'y a pas de formation à l'écriture et de réflexion sur la narration, ce qui n'est pas du tout le cas au cinéma ou dans d'autres disciplines. Et ce débat sur la narration a marqué aussi l'histoire, parce que la question de la construction du récit en histoire a interrogé le rapport de l'historien au pouvoir, notamment des Hérodote. Hein, cette question revient de savoir pour qui on écrit, le scribe, celui qui va écrire la légende d'un souverain, mais non. Donc toutes ces questions ont animé des débats depuis un certain temps en histoire, et puis aussi en sociologie et en anthropologie, avec le positivisme et avec cette idée de construire un récit qui serait objectif, neutre, qui ne serait pas produit par une seule personne. Donc un des effets concrets de l'écriture, c'est une écriture scientifique qui utilise le « nous », le « on », où on ne sait plus qui parle. Donc il y a eu tout un ensemble de débats dans les années 80 et les années 90 à ce sujet. On a appelé ça aux États-Unis le linguistic turn, avec le livre de Marcus Writing Culture, qui est reproché aux anthropologues d'essayer de construire une forme de discours et d'écriture objectivante, hein, qui consiste à dire par exemple les Kirghizes ont tel et tel trait objectif. Donc ça a posé tout un ensemble de questions intéressantes. Donc ce linguistic term a impliqué une question sur la narration. En histoire, il y a eu ce qu'on appelle le narrative term, qui a concerné cette fois-ci le statut justement du marxisme ou de grandes approches tenant des discours très très généraux sur la société ou sur le changement social, ou de s'interroger uniquement sur l'histoire des souverains ou des puissants pour comprendre le moteur de la vie sociale. La micro-histoire avec Ginsburg a critiqué ce type d'approche et a réfléchi justement sur une forme de description historique qui implique aussi des rapports descriptifs en tenant compte d'événements micro-sociaux pour expliquer le moteur de l'histoire. Georges Duby aussi, à travers Guillaume le Maréchal, a essayé de construire justement un autre rapport à l'écriture, une nouvelle manière de mettre en récit, qui conteste bien sûr cette histoire de construire la légende d'un grand souverain, mais implique donc tout un ensemble de réflexions sur la narration. Donc tout ça est mentionné dans ma bibliographie, si ces aspects-là vous intéressent. Et il y a un livre d'Yvon Jablonka qui s'appelle « La littérature est une histoire contemporaine ». L'histoire est une littérature contemporaine, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des éléments. Donc, en termes de film, cette question s'est posée notamment qui parle sur l'usage de la voix off. Donc, l'usage de la voix off intervient dans le documentaire pour plusieurs raisons et aussi pour des contraintes techniques. Mais par exemple, on a reproché une des questions qui est en débat par rapport au cinéma de Jean Rouch, c'est l'omniprésence de la voix off, qui peut être une forme d'assumer sa narration et tout ça, mais une des questions qu'on reproche à ce type de film, c'est de ne pas laisser la place aux populations qui elles-mêmes sont filmées, de ne pas parler. Il y a beaucoup de films de Jean Rouch où Jean Rouch décrit ce que l'on voit, mais les gens qui agissent n'ont pas la possibilité soit d'expliquer, soit d'avoir un regard réflexif sur ce qu'ils font. Donc, c'est aussi lié à la question du son synchrone. Hein. Il y avait aussi des problèmes techniques à l'époque. Mais donc, cette question de la voix off donc, pose un problème de style, hein, de forme, mais pose aussi un problème de fond sur ce rapport à la description et la place que nous laissons à la voix des personnes sur qui nous enquêtons, la voix des différents milieux, des différents mondes sociaux que nous essayons de restituer. Alors, dans l'écriture textuelle, c'est pareil. Il y a toute une sociologie ou une anthropologie où il n'y a jamais de citation de personnes qui parlent, mais il n'y a que l'interprétation de l'anthropologue. Alors, cette question de la voix off, c'est pas une condamnation de la voix off en général, parce que c'est un faux problème. En fait, il y a plusieurs manières d'utiliser la voix off, et parfois elle se justifie, elle peut se justifier, elle peut avoir tout à fait un intérêt. Notamment quand je pense à certains films de Depardon, généralement Depardon, ses films commencent par une ou deux phrases où il explique, il dit bah, c'est moi qui filme, c'est déjà rappelé qui est le narrateur, c'est pas se mettre en position de héros, mais c'est simplement rappeler qu'il y a quelqu'un qui filme, qui fait des choix et qui crée une ambiance de film, qui rappelle que ce qu'on va voir c'est construit dans un rapport relationnel entre celui qui filme et ceux qui sont filmés. Après, il y a tout un débat qui est aussi très intéressant sur cette question de l'usage excessif du jeu dans la voix off, qui peut être un usage excessif aussi du jeu dans certains types de textes anthropologiques où on a critiqué cette idée que c'était l'anthropologue qui devenait le héros de l'histoire et que ce n'était plus la société que nous étudions. Donc cette question de la narration me paraît importante, et d'un point de vue, quand on se lance dans l'idée de faire un film, se pose cette question de l'usage, par exemple, de la voix off, ou au contraire de ne pas l'user. Alors donc moi personnellement, je ne l'utilise pas jusqu'à présent dans les différents films que j'ai faits, sauf un où j'ai été obligé d'avoir recours à une voix off parce que le film avait été acheté par Arte et que Arte a imposé une voix off qui m'a déplu, mais dans les rapports de force avec cette télé, ça a été impossible de négocier. Donc c'était justement une voix off très objectivante, en décrivant, enfin, qui n'était pas très longue, mais qui était présent. Mais après, je reviens à cette question de la relation à nos enquêtés. Une manière peut-être aussi de faire sentir que, assez rapidement, dans l'ouverture d'un film, que vous êtes dans un rapport relationnel avec les gens, en laissant des questions. Des questions que vous posez vous-même, qui rappellent qu'il y a quelqu'un qui pose des questions. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être présent dans tout le film, mais c'est une manière de s'interroger sur la narration et de rappeler qu'il y a quelqu'un qui propose un regard et que ce regard a ses limites, sa modestie, mais qu'il assume ce regard et que ce regard peut être contesté, critiqué, discuté, et c'est peut-être ça justement qui est intéressant. Donc là, j'ai choisi un premier extrait pour essayer de montrer comment on peut illustrer ce rapport relationnel avec les enquêtés avec qui on travaille pour ouvrir un film. Donc ça, c'est un film que j'ai fait en 2009 sur ce qu'on appelle le Midi Rouge. Le Midi Rouge, c'est la région qui va de Nîmes à Carcassonne et qu'on a appelé ainsi à cause de l'importance des caves coopératives viticoles et de l'implantation du Parti socialiste et du Parti communiste. Et donc c'est un lieu où la viticulture a joué un rôle important, ces caves coopératives, et je suis confronté à l'effondrement de ce système. Donc je me suis posé la question, comment parler de cette question de l'effondrement et comment introduire le rapport relationnel avec les gens qui sont confrontés à cet effondrement. Je sais qu'à fermer. Ah, ne filme pas là. Donc là, et ce qu'on a essayé de travailler, donc c'est de sentir tout de suite que le film se construit sur un rapport avec les gens, parce qu'on aurait pu commencer le film avec des images, avec une voix off en donnant des chiffres, des statistiques sur la situation sociale, mais la force du cinéma, c'est de s'appuyer sur des gens qui ont des émotions, sur des lieux qui expriment quelque chose. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Dans l'écriture cinématographique, qui est différente du texte par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, on peut dire des choses, on peut souligner des choses, les faire comprendre à travers l'image et le son, et surtout les émotions des gens qui vivent eux-mêmes ce qu'on cherche à décrire. Alors ça pose une question sur la réflexivité, qui est une des questions essentielles en anthropologie et sociologie, c'est sur notre rapport aux enquêtés. Donc en gros, on va dire qu'il y a trois situations. Il y a une situation où on est en empathie, une situation où on est en antipathie, ou une situation où on est en sympathie pour les gens qu'on filme. Donc je pense que ça, c'est une question qu'on se pose tous à travers sa carrière. Et les choses évoluent, les choses changent. Mais d'une certaine manière, je pense que ce qu'on cherche, c'est se mettre dans une situation empathique. Comme un psychanalyste, lorsqu'il a affaire à quelqu'un, à un sujet qui vient donner son intimité sur un divan, il ne va pas chercher à savoir si c'est bien ou si c'est mal, il ne va pas chercher à savoir si c'est la réalité. Donc nous, quand on étudie un monde social, on essaye de ne pas avoir de jugement de valeur, et on essaye d'avoir ce rapport empathique, ce qui est très difficile, parce qu'on a forcément des émotions, on a forcément des opinions, mais en même temps, si on passe notre temps à juger les gens, on passe à côté de cette démarche qui est compliquée ambigu parfois, mais qui fait que on cherche à avoir un rapport empathique. Et d'un point de vue cinématographique, ça donne des styles de films très différents. Je reviendrai sur ce point quand on parlera du public, mais donc moi, ce qui m'intéresse dans les différents milieux sociaux, les différentes cultures que j'étudie, c'est plutôt de chercher, non pas à démontrer à travers une argumentation précise que les gens que je filme ou que le milieu social que je cherche à analyser est cohérent, où il y a des méchants, des bons, où on est confronté en permanence à des conflits, à des contradictions, et que en fait ce rapport empathique cherche à rendre compte de cette complexité. Alors, cette question de la narration pose aussi un problème aujourd'hui par l'excès de narration. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qu'on appelle le storytelling, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en gros, aujourd'hui, il faut tout le temps raconter des histoires aux gens. C'est la publicité, c'est l'idéologie. Et donc, aux États-Unis, par exemple, il y a un livre qui est dans la bibliographie qui s'appelle Christian Salmon, qui lui s'est interrogé sur le storytelling, où il explique qu'aujourd'hui, à la Maison-Blanche, il y a des spin doctors qui font appel à des scénaristes de Hollywood pour raconter des histoires politiques aux gens. Le marketing fait appel aussi à l'imaginaire des sociétés pour nous convaincre d'acheter des conneries ou de je ne sais pas quoi. Donc le danger, c'est aussi cet excès de narration, du storytelling, qui fait qu'il faudrait raconter tout le temps des histoires. Donc les sciences sociales, à travers le film, ont aussi une responsabilité de décrire l'autre, de décrire la réalité sociale dans sa complexité, et de lutter ou contester ce genre de représentation qui pose problème dans la représentation de l'autre. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire des films, c'est que j'étais agacé de voir des films exotisants sur la région que je connais le mieux, à savoir l'Asie centrale, où j'avais l'impression que les gens vivaient uniquement sous des yourtes, se déplaçaient à cheval, et que tous les reportages que je voyais sur Arte jouaient sur cette exotisation de l'autre. Alors que ce que je vivais moi en termes d'expérience sociale, ce n'était pas du tout ça. Voilà. Alors ensuite, la deuxième question que je voulais te poser, c'était quoi ? Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on écrit sur la vie sociale ? C'est qu'on cherche des régularités. On cherche des régularités à différents niveaux, en fait, dans le quotidien. Vous allez essayer de comprendre pourquoi les gens font tous les jours des déplacements, ou pourquoi il y a des rituels quotidiens, des codes qui construisent des rapports sociaux, une culture, etc. Ou alors dans des événements, des rites de passage, des événements bien particuliers, on essaie d'y assister, on essaie de comprendre pourquoi c'est important pour cette société. Bon, quand on fait un film, on va chercher à saisir ces situations. Donc vous voyez, le premier extrait que je vous ai montré, on va dire c'est une situation d'interview. C'est-à-dire c'est un rapport entre moi et une personne, mais après, décrire des situations, c'est autre chose. Ça relève plus du discours, mais de l'observation. Parce que les sociétés, il y a tout le temps un décalage entre ce que disent les gens et ce que les gens font, et que passer du temps avec les gens, c'est aussi, à un moment donné, observer. Prendre le temps d'observer, de s'ennuyer. Et donc, c'est aussi une manière de filmer où on va chercher à capter des situations. Et c'est beaucoup plus difficile de capter des situations que de faire des interviews. Alors, bon, j'ai choisi un extrait. Donc juste là pour vous donner le contexte, donc je suis, donc en fait le Midi Rouge, c'est un milieu où la question des mouvements sociaux, de la mobilisation sociale a toujours été importante, et il y a des syndicats qui ont toujours joué un rôle dans l'organisation de manifestations, dans rapport à l'État, de contestation sur l'organisation de l'économie, etc. En 2008, lorsqu'on filme, on est confronté à une grave crise qui conduira à 25% de l'arrachage du Languedoc-Roussillon. Et donc à une confrontation avec les pouvoirs publics. Et donc là, j'ai suivi ces syndicalistes rencontrer des députés à l'Assemblée nationale. Grosso modo, 54% de bénéfices. Nous, ils nous ont baissé les prix de 50%. Donc, vous voyez un peu les marges de ces gens-là. C'est des tueurs. Vous ne pouvez pas éponger le trou que fait la grande distribution à vie. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut que vous expliquiez, que vous ayez le courage politique de rencontrer ces gens-là. Vous pouvez le faire et leur dire, messieurs, vous avez le droit de gagner votre vie, vous êtes des chefs d'entreprise, mais vous n'avez pas le droit de saigner le pays à blanc. Bien entendu, on est d'accord là-dessus, mais le problème, c'est dans une économie comme la nôtre, c'est pas d'une totale simplicité d'expliquer à des metteurs en marché qu'ils doivent s'imposer des contraintes. Quels moyens avons-nous, politiquement, à d'imposer d'acheter chez nous ce qui est notre souhait, ce qui est notre stratégie, ce qui est notre politique, ce qui est notre motivation? Mais quels moyens politiques et statutaires avons-nous d'imposer aux négociants en vin d'acheter chez nous et de ne pas acheter en Espagne, car en Espagne, ils achètent de moins cher? Moi, l'obliger à s'asseoir autour d'une table et à discuter. Moi, je pense que voilà, moi, ce qui m'intéressait dans cette situation, c'est qu'en fait, en suivant ce mouvement social, la question de l'impuissance politique revenait tout le temps. C'est-à-dire des hommes politiques qui disent « on est désolé, on ne peut rien faire, l'économie de marché, les supermarchés, on ne peut pas contrôler le prix et tout ». Et donc, en fait, c'était quelque chose qui revenait tout le temps. Et donc, à un moment, il y a un choix de filmer et de choisir une séquence qui correspond, bon, bien sûr, à un moment très particulier d'un événement, mais c'est quelque chose qui revenait tout le temps. Donc, en fait, on essaye de capter. Notre démarche dans l'enquête, c'est de capter des choses qui reviennent et qui correspondent à deux situations différentes qui sont qu'il y a des choses qui meurent, qui s'effondrent, et des choses qui naissent. Donc là, on est face à un collectif qui émerge, c'est-à-dire que les syndicats traditionnels qui représentent d'habitude la profession des viticulteurs en cave coopérative est très contesté, et on arrive à suivre un collectif qui conteste. Donc on a été obligé de suivre à la fois un mouvement social qui était très structuré et quelque chose qui naissait. Et en fait, en permanence, enfin moi depuis que je fais ce métier, et surtout j'ai travaillé sur l'univers post-socialiste, où en permanence, dans la vie sociale, on constate des choses qui meurent et des choses qui naissent. Et les gens ne font que parler de ça, en fait. Alors, pour illustrer ça, j'ai choisi un autre extrait. Donc, c'est un milieu... Ce travail-là sur les viticulteurs, la question du passé est omniprésente. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent en 2008, ils vous parlent aussi d'événements qui ont eu lieu avant. Et donc, bon, on le sait, hein, les sociétés vivent pas seulement au présent, la question du passé est tout le temps là. Donc ces gens-là, dans leur expérience de la vie, ce qu'ils vivent en 2008, ça faisait référence à deux événements majeurs qui étaient les événements de 76, où il y a eu des manifestations et des affrontements entre la police et les viticulteurs. Je cherche l'extrait, excusez-moi. Et donc là, on voulait souligner la question de comment, dans un film, parler de son rapport, pas à l'histoire, mais plus à la mémoire. Donc on a fait un travail sur les archives, et on a retrouvé, d'abord il y a eu des commémorations de ces événements de 76 qu'on a suivis, il y avait aussi les événements de 1907 qui sont la grande révolte viticole, qui est omniprésente dans le discours des gens. Mais c'est important parce que ça permet de comprendre aussi comment eux, ils envisagent ce qu'ils vivent. Donc là... Puisqu'ils y croient, eux. En ce printemps 1976, le midi viticole est quasiment en état d'insurrection. Depuis plusieurs mois, des manifestations rassemblent de 50 à 100 000 personnes. Les perceptions sont attaquées et les routes barrées ne se comptent plus. D'un système d'organisation des marchés, on est passé à une déréglementation totale, sans prix garanti, laissant les vignerons désarmés face aux importations massives de vins d'Algérie et d'Italie. Nous sommes le 4 mars 1976, il est 15h15. Les nerfs des vignerons et des CRS sont tendus comme des arcs et l'inéluctable arrive. Émile Pouit, viticulteur d'Arquette-en-Val, s'écroule, victime d'une balle en plein front. Quelques minutes plus tôt, le commandant CRS Joël Le Goff était tombé, une balle à ailette dans la tête. Donc là, voilà, ça me permet pourquoi on a fait ce travail sur les archives, c'était parce que cette question de la mémoire qui est omniprésente dans le comportement des gens, en fait, on rencontre tout le temps ça. C'est-à-dire que, ayant travaillé par exemple sur une société post-soviétique qui vit l'effondrement du système, les gens pensent aussi leurs actions par rapport à des références, à des événements et tout. Et en fait, on est tout le temps là-dedans. Et ce rapport au changement implique tout un discours sur c'était mieux avant ou c'était comme ça avant et la difficulté des sociétés, ou pas d'ailleurs, d'envisager le changement et d'expliquer ou de réfléchir sur leurs actions. Voilà, donc le deuxième point, c'est sur donc il y a cette question de la régularité qui revient, mais aussi la question de la représentativité. Donc souligné là par rapport à une situation qui était à mon avis quelque chose qui revenait, mais après la représentativité dans un film renvoie parfois à la question des choix des personnages. Quand on travaille un film, on se dit mais voilà, il y a en fait, je sais pas, on veut travailler ça sur la sorcellerie, les sorciers on en rencontre 10, mais vraiment, il faut peut-être en choisir un quoi. Max Weber il s'est posé la même question sur ce qu'il a appelé l'idéal type. Donc on construit à un moment donné un discours pour s'interroger sur la représentativité d'un phénomène qu'on veut étudier. Et on choisit, dans un film, on choisit un personnage parfois qui représente quelque chose qui va au-delà de lui-même. Quoi. Quelqu'un qui travaille sur la sorcellerie, il va s'intéresser à un sorcier, mais pas uniquement par rapport à sa personnalité, mais parce que dans une société, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus général. Alors, là, je vais vous montrer un autre extrait. Donc, dans ce mouvement social, il y a quelque chose de très important, c'est l'art oratoire. C'est-à-dire toute la construction de la légitimité des gens qui ont été les grands leaders viticoles du Midi, ce sont de grands orateurs. Et ils ont tous des surnoms. Ils ont été des harangueurs de foule depuis 1907. Il y a toute une tradition qui continue jusqu'aux dernières manifestations qu'on a filmées. Et donc, à un moment pour le film, on en a choisi un qui s'appelle le lion des Corbières. Donc c'est son surnom. Et donc je vous montre juste un extrait où là on le voit s'exprimer, mais on l'a suivi pour construire une histoire et raconter justement son rapport d'abord à l'oralité, mais aussi pour à un moment donné... Ils sont plusieurs, il y en a 10 comme ça. Qu'est-ce qu'on fait à un moment ? Dans un film, si on met les 10, ça ne ressemble plus à un film. Donc, ils s'en aperçoivent, ils disent les Français, si vous continuez à faire les cons, à refuser tout ce qu'on vous dit à Bruxelles et à un truc, vous, on va se barrer, vous n'aurez que dalle et vous vous démerderez. Écoutez, c'est ça qui va se passer. Il y a quelque chose qui nous parle au nez, ce que vient de dire Pierre. La Commission sait, le gouvernement français sait, que c'est pas la peine de donner la prime en charge. Qu'on en arrachera autant et sans aide. Parce que quand tu te lèves le matin, que tu vas travailler et que tu perds de l'argent, au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura disparition du vignoble sans accompagnement financier. Donc, on se dit, au point où il allait, si ça doit dégager, envoyez le pognon. C'est un constat de quoi ? Excusez-moi, mais c'était pas ce passage que je voulais vous montrer. C'était un bon passage. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est lui, là, le lion des Corbières. On vous a autorisé à pas mettre la corde au cou. Mais vous... Excusez-moi, on peut pas le couper. Là. Moi, je vous plains. Je vous plains parce que vous êtes là. Je vous compare aux bourgeois de Calais. À vous, on vous a autorisé à pas mettre la corde au cou. Mais vous avez un travail terrible de nous faire avaler la liquidation qui est programmée, qui est politique, pour faire rentrer les vins d'Afrique du Sud, les vins de Ricard et de Chandon, dans l'Argentine, dont j'ai visité les vignobles. C'est ces gens-là qui vont le rentrer parce qu'on leur vend des Airbus. Et on a condamné le vin du Midi. Quand vous dites maintenant de profiter de l'arrachage, je vous crois et je dis avec vous qu'il faut en profiter parce que peut-être demain ils donneront rien. On a affaire à des voyous. Il n'y a qu'à voir leur comportement. À l'époque des importations des vins d'Italie, il a fallu que nous allions à Meximieux faire répéter une cave qui appartenait à quelqu'un du pouvoir en place. Puis par la suite, ça a été avec un autre. Nous devons ici trouver une autre solution. On ne peut pas laisser vider ce pays. Alors, si on peut arriver à la solution de faire des carburants, nous arriverons à faire nos 25 ou 30 millions d'hectares de vin qui seront pour le carburant, qui feront vivre les jeunes, les familles de ce pays, et on n'aura plus envie de voir nos enfants partir dans les usines, prendre la place des ouvriers qu'ils n'ont pas de terre pour se nourrir. Voilà moi ce que je voulais vous dire. Et voilà, c'est à 80 ans, je suis malheureux de voir ce qui se passe et je suis malheureux pour vous. Je ne voudrais pas être à votre place, je peux vous le dire. Voilà ce que j'avais à dire. Bon voilà, là ce qui nous intéressait, c'était de souligner ce rapport à l'oralité, parce que c'est souvent des discours très émotifs, très dans l'excès. Et donc, si on le dit en voix off, ou si c'est pas la même chose, ou même si on l'avait interviewé pour nous expliquer ça, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir observer ce genre de situation, mais ça demande une présence longue sur le terrain. Et de laisser la place justement à ce que j'appelle la description et l'observation. Excusez-moi. Oui. J'ai une question en fait. J'ai deux questions. Vous étiez à combien de caméras? Et quand vous parlez d'une présence longue, je suis d'accord, mais il y a aussi toute la question du rapport à l'image. Mmh. Et il y a des gens qui ne veulent pas se laisser filmer selon les terrains dans lesquels on est. Mmh. Et donc toute la question aussi de les impliquer dans un film participatif ou non. Est-ce qu'on se positionne en tant qu'anthropologue ou en tant que réalisateur? Enfin, voilà, moi je reviens d'un terrain où j'étais avec des réfugiés yézidis. Et les femmes, en principe, ne peuvent pas passer à l'écran. Voilà, il y a toute une tradition. Et en même temps, là, comme elles sont réfugiées et qu'elles sont en Europe, il y a tout un rapport à l'image qui est en train de changer, puisqu'elles sont loin de leur... Enfin, voilà, vous n'en avez pas vraiment parlé, et moi, ça m'intéresse aussi. Ouais, je voulais plus aborder ces questions par rapport à l'éthique. Mais en fait, cette question du rapport aux gens qu'on filme, enfin, moi, déjà, je ne filme jamais quelqu'un qui ne veut pas être filmé. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des situations, et d'ailleurs, dans les extraits que j'ai sélectionnés, il y en a un ensuite où on a essayé de trouver un dispositif cinématographique pour préserver l'anonymat des gens, tout en s'intéressant à ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Après, sur la question collaborative, c'est une question compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives et à mon avis, il y a beaucoup d'idéalisme sur cette question de la collaboration. Parce que, en fait, souvent, et ça renvoie à cette question du rapport empathique, sympathique et antipathique par rapport au milieu social que vous étudiez, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté. C'est-à-dire que quand vous arrivez, par exemple, eux, ils sont dans une lutte. Ils vont vouloir vous persuader que leur lutte est légitime. Et assez vite, il ne faut pas leur mentir. Il faut avoir un rapport d'honnêteté avec les gens et leur expliquer que vous êtes là ni pour faire un film antipathique à leur égard, ni de faire la propagande, mais de faire quelque chose qui est plus compliqué, ce que j'ai appelé l'empathie, où vous vous donnez un droit de regard tout en respectant les gens. Jean Gomi en parle mieux que moi, il dit que, en fait, une caméra, c'est une arme. C'est très facile de caricaturer les gens. C'est très facile de caricaturer, et vous pouvez faire beaucoup de mal aux gens que l'on filme. Donc il faut faire attention. Moi, mon principe, et ça c'est un principe éthique, c'est que d'abord les gens, il faut qu'ils soient d'accord d'être filmés, mais ensuite, il faut leur dire assez vite que ce que vous allez dire, ça ne correspond pas, peut-être, exactement à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et c'est une espèce de contrat de confiance qui se construit peu à peu, qui demande du temps. En fait, je conçois tout à fait cette démarche quand il s'agit de filmer des gens avec qui on partage un certain nombre de valeurs et donc du coup on peut s'identifier ne serait-ce que partiellement à ces personnes-là et donc être dans un rapport effectivement où la bienveillance et l'empathie ont toute leur place. Mais par exemple, si vous aviez filmé des gens, je ne sais pas, d'extrême droite, oui. Là comment vous pensez pouvoir faire face à cette population? C'est une question que pose très bien Howard Baker quand il étudiait les fumeurs de marijuana. Il dit que si les sociologues et les anthropologues ne font qu'étudier des gens qui partagent les mêmes valeurs que et qui... Moi, je pense que vous pouvez aller dans des sociétés qui ont d'autres croyances, d'autres rapports à la souffrance, à tout un tas de choses. Si vous commencez à estimer que c'est bien, que c'est pas bien, je crois qu'il faut changer de métier. Donc même le Front National, si ce sont des valeurs qui vous posent problème, je pense qu'à certains moments, il faut accepter aussi de recueillir des choses en fixant des limites, soi-même par rapport à des choses qui vous paraissent. Mais si vous coupez tout de suite le lien par rapport à ce milieu que vous cherchez à étudier en ne mettant pas en parenthèse vos propres valeurs, vous n'y arrivez pas. Si un psychanalyste il écoute quelqu'un qui lui parle de certaines formes de névrose qui renvoie à des comportements peut-être problématiques par rapport à la norme sociale, il ne pourra jamais faire son travail. Ben moi, je pense que c'est pareil pour lui. Il y avait une belle image qu'on voyait autrefois lorsqu'on faisait des films en argentique. On disait d'abord, on est comme la pellicule, il faut se laisser impressionner. Ensuite, il faudra le révéler. Et ensuite, quand on doit tirer des copies, on en tirera des conclusions. Et après, c'est un long processus. L'assimilation, et quand on fait un tirage de copies, on ne fait que reproduire, on n'est pas obligé de le transformer. Je pense qu'on a oublié la pellicule, mais c'est le même processus. Je pense qu'on peut très très bien travailler honnêtement avec des gens pour lesquels on ne partage pas des impressions. Mais si on ne se laisse pas impressionner, on sera toujours dans un refus. Il faut que ça rentre. On n'est pas obligé. Il y a quand même un moment de chimie, un moment où on révèle. Et c'est à l'intérieur qu'on décide, à la limite, on peut décider. Moi, je mets bien cette image, mais aujourd'hui, qui connaît encore le film argentique. Mais par exemple, Maurice Godelier, qui a... anthropologue qui a travaillé sur des initiations masculines chez les barouillards, où l'initiation pour devenir un homme passe par des rites sexuels un peu particuliers entre hommes de catégories d'âge différents. Bon, s'il avait commencé à porter un jugement de valeur en disant ce que vous faites c'est dégueulasse, chez nous c'est pas accepté, il y a les rites de sorcellerie, enfin tout un tas de choses quoi. Mais c'est une grande discussion, hein. c'est problématique. Hein. C'est pour ça que ça doit être l'objet d'une réflexion collective aussi. Y a pas de... Mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en fait, dans ce métier-là. Quoi. Justement, quand on est confronté à un sujet pour lequel on aurait a priori pas forcément de sympathie, est-ce qu'il y a des choses à éviter ou des choses à mettre en place justement pour éviter d'avoir un regard trop subjectif sur le sujet étudié? Est-ce qu'il vaut mieux... comment fait-on pour orienter ces questions de façon la plus neutre possible? Je ne vais pas chercher malgré soi à piéger le sujet. Comment faire pour filmer... comment faire pour laisser la parole à l'autre le plus possible et non pas intervenir malgré soi, en fait. Est-ce qu'il y a des choses à faire après lui? C'est une question compliquée. Il n'y a pas de recette, en fait. Mais je pense qu'en fait, au moins, c'est de réfléchir là-dessus. C'est d'être conscient des enjeux. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on appelle ça les conditions de l'enquête, c'est-à-dire que quand on travaille sur n'importe quel milieu, on est forcément, on a sa propre histoire, les gens, comme je vous l'ai dit, les gens vont essayer de vous persuader que ce qu'ils font est bien. Donc on est un enjeu de manipulation. Vous arrivez dans un village, de toute façon déjà, il y a souvent des histoires dans un village. Donc il y a des conflits, il y a des familles qui ne se parlent pas. Donc vous allez être au milieu de ces enjeux-là. Vous allez devenir même vous un enjeu. Et il y a des gens qui vont vous dire une chose et d'autres vont vous dire autre chose. Et c'est souvent assez douloureux comme et c'est aussi très productif en termes de compréhension de la réalité sociale. La réalité sociale, c'est jamais un monde harmonieux et tout. C'est au contraire à chaque fois des conflits. Et vous, quand vous allez dans un endroit, vous vous retrouvez au milieu de ça, quoi. Favre Saada, qui est une anthropologue qui a travaillé sur la sorcellerie, elle dit qu'elle a commencé à travailler vraiment sur la sorcellerie dans le bocage quand elle a été elle-même au milieu de tout un tas de sorts et contre-sorts. C'est un travail de faut être à la fois dedans et puis ensuite forme d'extériorité. À un moment, on sort, on prend la distance, on réfléchit à ce qui s'est passé. Oui. Je pense que c'est des questions que de toute façon on se pose dans une enquête, qu'elle prenne juste une forme écrite à la fin ou filmique. Après, c'est vrai ce que tu disais sur filmer quand on n'a pas l'autorisation. C'est le rapport des sujets à l'image. Oui, mais par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas se faire enregistrer quand on fait un entretien avec eux, même s'il n'y a pas de film à la fin. Donc, comment on négocie? Il y a des étudiants, des chercheurs qui s'en foutent et qui vont enregistrer à l'insu des gens et donc qui vont décider de ne pas le faire. Donc il y a des entretiens que tu ne peux pas avoir non plus, même si les gens ne sont pas filmés. Ça rajoute une difficulté certainement. Et ça peut-être plus dur aussi d'avoir ce médiateur qui est l'enregistreur ou la caméra. Et puis la pensée aussi que les gens ont de l'image aujourd'hui. Omniprésente absolument partout. Tout le monde a un téléphone portable. Oui, okay. Alors ça, moi, il y a beaucoup de mes étudiants qui ont peur que la caméra gêne et tout ça. En fait, c'est très ambivalent. Les gens en général disent non, vous êtes journaliste, dégagez, tout ça. Et puis après, il y a une espèce de fascination aussi. Mais en fait, c'est assez facile de filmer souvent. Après, il y a aussi quand même aussi beaucoup de défiance de la part des gens à cause de tout un tas de choses. On est souvent associé à d'autres choses en fait, à d'autres films ou à d'autres, notamment aux médias. Et des gens ont le sentiment d'avoir été caricaturés et tout. Donc ça prend du temps de construire ce rapport de confiance. Mais les enjeux éthiques, c'est pour ça que j'avais tenu à le souligner, sont très importants. Mais la question collaborative, je reviens là-dessus parce que je sais que c'est assez à la mode, ça pose problème quoi. Parce que penser qu'on va tout le temps être d'accord avec les gens qu'on étudie, c'est compliqué parce que quand vous êtes dans... La vie sociale est faite de conflits, de représentations de la réalité. Donc je pense moi je préfère assumer le regard que je vais avoir sur l'analyse de la vie sociale plutôt que de me dire que je vais réussir à construire un contrat avec un village où tout le monde va être d'accord sur le film que je vais faire. Moi, je trouve ça impossible. Quoi. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais par exemple, quand je vous parlais de ce terrain-là, les filles, elles voulaient voir les images qu'on avait faites. Ouais. D'accord. Et elle-même tournait, se filmait elle-même. D'accord. C'était pas une volonté de ma part, mais je veux dire, c'était aussi que la caméra fasse partie de notre rapport. D'accord. Et voilà, et quelque part, qu'elle puisse aussi avoir ce pouvoir-là, quoi, de filmer, de prendre. Pas une question d'être d'accord, mais c'est aussi qu'on soit pas les seuls, quoi. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que le moment où elles ont commencé à nous filmer, et ben elles ont commencé à prendre leur portable et à filmer leur camp, à filmer autre chose. Donc il y a eu aussi un renversement et il y a eu un amoindrissement de la défiance. Mais est-ce que vous avez eu le droit d'utiliser leur film? Oui. Enfin, pour l'instant, c'est un terrain. Voilà. Je ne sais pas si on fera un film ou pas, j'en sais rien. C'est des réfugiés, c'est extrêmement compliqué. Il y a la police, il y a des droits internationaux. Mais et puis c'est des jeunes filles qui viennent d'un milieu extrêmement traditionnel. En principe, elles ne peuvent pas apparaître à l'écran. Puis c'est des jeunes filles qui chantent et qui ne peuvent pas chanter, en principe, en public. Mais comme leur statut est en train de changer, puisqu'elles vont, elles vont être relocalisées en Allemagne ou ailleurs, le statut de l'image aussi change. Elles ne sont pas dans leur village en Irak. Donc il y a tout un, il y a aussi tout un changement dans leur propre esprit. Oui, oui, c'est passionnant tout ce que vous racontez. Enfin, oui, Jacques Lombard peut-être. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant parce que vous posez la question de la position de l'observateur ou même de l'ethnologue, et celle, elle est obligatoirement asymétrique. C'est-à-dire, si vous êtes dans une communauté, vous avez, les gens n'ont pas barre sur vous. Parce que vous venez d'ailleurs, en fait. Tandis, dans cette communauté, même s'il y a des conflits, comme c'est très bien dit, voilà, eh bien, les gens, on barre les uns sur les autres. Ils ont une histoire commune. Ils savent qui dit quoi, pourquoi et comment. Tandis que vous, vous êtes dans un temps limité. Hein, et le discours, tout ce que vous avez capturé de leur histoire, c'est quelque chose que eux-mêmes ne sont pas en position de pouvoir apprécier. Hein. D'où, vous l'avez dit très clairement là, avec l'exemple que vous donnez, et que c'est intéressant qu'elle jouait ce renversement de la situation, et avec un outil qui leur semble extrêmement utile dans leur propre évolution également. Hein. Et ça pose d'excellentes questions. On est toujours dans cette asymétrie. Et donc, il y a toujours un soupçon, quelque part, et après, tout dépend, puisqu'on est dans l'interpersonnel, tout dépend de la manière dont vous faites passer les choses. Alors, la meilleure manière, encore une fois, c'est d'arriver à rigoler avec les gens. C'est ça. Hein, d'accord. Bon. Mais justement, il y a une métaphore, parce que vous savez qu'il faut éviter dans ces genres de face-à-face d'utiliser le karaté. Parce que on ne s'affronte pas, mais on fait de l'aïkido. On utilise la force de l'autre pour l'amener là où vous voulez aller. C'est la chose la plus simple à faire. Parce que si vous faites du karaté, tout le monde se le dit et ça marche. Voilà, donc le rire, c'est une des voies pour orienter les choses. Donc là, j'étais en train de développer le deuxième point sur la question de quoi, donc la représentativité, la question de la régularité, ça marche pas. Si, non. Il faut encore appuyer, tu as changé d'ordinateur. Bah, j'ai changé d'ordinateur. Ah ouais, bah, il faut y aller sur l'autre, peut-être. Bon. Si, mais c'est ça qui marchait pas tout à l'heure, tu sais. Ah oui, tu peux. Bon, je voulais vous montrer un extrait du film que je suis en train de terminer. Donc je disais qu'on cherche des régularités dans le quotidien, dans des rites ou des événements particuliers. Il y a cette question des personnages et donc de la représentativité à travers ce que la sociologie a appelé les idéal types, hein, que le choix. Et donc ça, il y a une circulation de réflexion entre le cinéma et la sociologie, l'anthropologie sur ça. Et je voulais justement vous montrer un des personnages de vos prochains films. Mais bon. peut quand même essayer. Tu crois? Oui. Tu vois ça? Ah, ça mais... Bon, tant pis, c'est pas grave, on va en papa. En fait, une des questions qui revient et qui est intéressante dans le cinéma par rapport à l'anthropologie et la sociologie, c'est la question du rapport au monde et de la manière de retranscrire la question des émotions, des sensibilités d'une société ou d'un milieu social. Donc il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, notamment au Sensory Lab à Harvard, je ne sais pas si vous connaissez Lucien Castel-Taylor autour du film, notamment Léviathan qu'il a fait. Alors j'avais choisi un extrait pour essayer de vous montrer justement sur cette question de l'écriture cinématographique, comment à un moment donné, cette question des émotions par rapport à un sujet peut avoir un intérêt au cinéma, mais bon, ça a bugué. Voilà, et le quatrième point sur lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est la question des choix éthiques. Des choix éthiques, pourquoi les choix éthiques? Parce que c'est une question épistémologique majeure. Comme nous construisons des données. Comme nous construisons des données par notre présence, ce sont des données de première main, essentiellement. Donc c'est la relation que nous avons avec les gens qui nous permet de collecter ces données et qui en font toute l'originalité. On peut travailler sur des coupures de presse, on peut, etc. Mais quand même, le cœur de notre travail, c'est la relation que nous avons avec les gens que nous étudions. Et donc on a forcément un rapport éthique à poser, hein, et qui implique les questions que vous posiez autour là, de votre projet de film. Et je voulais vous montrer donc un autre extrait, mais là, je ne sais pas comment on va faire, on va éteindre, je crois, on va repartir. Alors ces questions éthiques, elles viennent aussi après des précédents historiques. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Les Yanomami, une guerre d'anthropologues, qui parle notamment de... En fait, les Yanomami ont été... donc c'est une population qui vit en Amazonie, a été surmédiatisée, surétudié par les anthropologues, notamment autour d'un conflit, autour de la théorie de la violence. C'est-à-dire qu'il y avait le mythe du bon sauvage où on pensait que les sociétés exotiques, forcément, il n'y a pas de violence. Et puis, il y a plusieurs anthropologues américains qui ont montré que chez les Yanomami, il y avait énormément de meurtres et tout ça. Et donc, du coup, cette controverse scientifique fait que plein de gens sont venus étudier les Yanomami, et notamment un élève de Lévi-Strauss. Comment s'appelle-t-il déjà? Un Suisse. Chagnon. Non, c'est un Chagnon, mais non, le français. Jacques. Il y a eu des questions un peu éthiques aussi. On a été étudiants ensemble. Ah ouais. Bon, en tout cas, j'ai oublié son nom. Mais il a été. En fait, il a travaillé. Jacques Lizot. Jacques Lizot, donc ce film à l'anthropologue où en fait ce film revient sur l'histoire de cette présence des anthropologues chez les Yanomami, et visiblement Jacques Lizot est accusé en tout cas de pédophilie par des informateurs qui avait 14-15 ans à l'époque et qui en ont 30-35. Enfin, il y a tout un ensemble de questions éthiques qui ont amené à des discussions, notamment aux États-Unis, en anthropologie, mais aussi en sociologie, sur des questions d'essai aussi thérapeutiques, des rapports entre l'anthropologie, la médecine, ou la sociologie et la médecine. Tout ça, on ne peut pas faire comme si ça n'a pas existé. Et aujourd'hui, ces questions éthiques sont essentielles. Alors, il y a des excès. L'excès, c'est par exemple aux États-Unis, si vous voulez étudier une population, il faut signer un contrat avec la population que vous étudiez. Je trouve que c'est un peu compliqué. Parce qu'on fait signer qui vous donne l'autorisation d'étudier. Alors, ça pose un problème d'ailleurs, parce que du coup, je pense que c'est reproduire une autre forme de rapport de domination, puisqu'on impose le contrat écrit, comme si le contrat écrit... voilà. Mais bon, en tout cas, je pense qu'à l'avenir, toutes ces questions éthiques sont aussi essentielles, pas uniquement... Enfin, sont pas seulement accessibles, il y a de vraies questions pour savoir comment on produit les données... Et qui renvoie un peu à la question de l'empathie. Alors, je vais vous donner, je vais vous montrer un extrait. Donc, en fait, les gens sur qui j'ai travaillé dans le milieu de la France ont une organisation clandestine qui s'appelle le Comité d'Action Viticole. Donc, ça existe depuis le début du XXe siècle. Et depuis le début du XXe siècle, ces gens-là font des attentats. En fait, ils cassent tous les symboles de l'État. Les perceptions fiscales, le chemin de fer, enfin tout ce qui était le symbole de l'État faisait l'objet d'opérations nocturnes. Donc moi, j'ai envie de travailler là-dessus, ça m'intéresse, je veux savoir et tout. Donc ils m'ont dit, pas de problème, si ça t'intéresse, on t'invite. Puis je me suis rendu compte que c'était pas si secret que ça, qu'en fait, parce que dans les manifestations, on s'aperçoit que il y a tout un jeu entre la police, les différents acteurs et tout ça. Donc assez rapidement, ils m'ont invité dans une réunion clandestine. Et assez rapidement, on s'est dit, on a envie de filmer. Et donc assez rapidement, on s'est dit, mais comment filmer ça? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, mais bon, ça, je crois que c'est cuit. C'est dommage. Il était encagoulé. Pardon? Il était encagoulé. Non, ils étaient... Ils étaient comme on était aujourd'hui. En fait, on a filmé simplement les mains et on a occulté, enfin, on a un peu modifié les voix. Bon. Voilà, mais je pense qu'on ne peut pas filmer uniquement ce qui est socialement accepté ou qui est en fait une norme sociale. Et après, il faut réfléchir aux limites. Voilà. On ne va pas filmer un meurtre. On ne va pas filmer, mais il y a certains endroits où je pense que c'est important d'y être. Pour comprendre, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait filmé une situation de régularité où les politiques disent on est impuissant, on ne peut rien faire et tout. Et tous ces gens qui manifestaient, tout ça, ils ont sombré petit à petit dans la violence et dans l'explication et dans l'analyse de ce phénomène. C'était important pour nous de comprendre comment les gens en arrivaient à utiliser la force. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on légitime, qu'on a un rapport de sympathie à ce qu'ils font, mais la réalité sociale... Et comme vous dites, il y a des choses qui sont importantes à filmer, après c'est les moyens qu'on trouve. Parler des mains, nous on a filmé beaucoup les mains aussi, au début. Parce que le corps, voilà, c'était problématique. Et quand je pense à Léviathan dont vous avez parlé, film Léviathan, ce qui est intéressant, c'est que toutes leurs caméras ont été détruites par la tempête. Et finalement, et puis c'était compliqué aussi de filmer avec les marins qui étaient tous des repris de justice, voilà, tous cocaïnés et tout. Et en fait, finalement, le film, c'est que des GoPro qui étaient dans les bacs à poissons, sur l'épaule d'un marin. Et voilà, ils ont fait avec la réalité du terrain, ils ont adapté leurs moyens. Mais est-ce que cette exigence d'éthique ne pose pas le problème de la réalité, du rapport à la réalité et de la fictionnalisation des faits réalisés? Est-ce qu'on est obligé à chaque fois Par exemple, tu dis on ne peut pas filmer le meurtre. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un vrai meurtre pour représenter un meurtre? Alors ça, c'est une question d'écriture. C'est une bonne question qui renvoie à la distinction entre fiction et réalité. Ouais. Je pense que et c'est intéressant parce qu'elle se repose. Elle renvoie à toute la discussion autour du cinéma vérité qui s'oppose à la fiction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour de. Je crois que j'ai mis un article de Jean-Marie Schaeffer qui parle pas mal de ça dans la bibliographie. Mais c'est effectivement une question importante. Bon, écoutez, moi je vous propose de terminer, puis après on va peut-être garder un peu de temps pour discuter. Puis je vais vous montrer les 7 minutes de mon prochain film. Si ça vous. C'est celui-là quand j'essaye de... ce que je voulais dire par rapport au dernier point, c'était par rapport au public. Donc pour qui? Moi, je pense que dans cette question, un des éléments qui se joue, c'est la construction de l'argumentation scientifique. Bruno Latour, par exemple, explique comment l'argumentation scientifique, à un moment donné, va essayer de construire une narration très fermée. C'est-à-dire que l'argumentation va chercher à tout prix à démontrer et à fermer le discours. Et en fait, lui, il plaide plutôt pour une forme d'argumentation scientifique qui laisse la place au public, qui laisse la place aux spectateurs. Et donc, dans un film, vous avez des styles de films. Bon, par exemple, le film Bowling for Columbine, je ne sais pas si vous voyez ce film de Michael Moore. Donc, lui, il a un rapport antipathique par rapport à ceux qui voilà, et il a des arguments à charge. Donc, ce type de film, à mon avis, ne fait que convaincre ceux qui sont déjà convaincus du sujet qu'il veut traiter. Et moi, je préfère des films où les choses sont beaucoup plus ouvertes, où il n'y a pas une voix off qui va essayer de forcément expliquer et analyser tout ce qu'on dit, mais laisse au spectateur une place pour lui-même analyser, interpréter. Et voilà, par exemple, le film de Depardon, Une partie de campagne sur Giscard. Bon, il y a des moments où ça peut être interprété de manière très, très différente. Et je pense que le public est ouvert justement à la complexité et l'idée qu'il faudrait tout simplifier, tout interpréter est faux, ne correspond pas forcément à une réalité. Donc la question du public est vachement importante quand vous allez écrire, quand vous faites un film. On essaye d'être clair. On essaye de penser au public, c'est assez difficile de savoir qui va pouvoir comprendre, mais le public n'est pas si idiot que ça. Je me souviens, il y a pas longtemps, on a fait une projection au MUCEM avec des scolaires de 12 ans. On a sélectionné un film documentaire en russe, sous-titré en français, et c'était des collèges des quartiers nord de Marseille, et la responsable du public a dit « non, mais ça ne marchera pas ». Et en fait, c'était l'histoire d'un gamin qui effectivement parlait russe, mais l'histoire était tellement touchante que tous les gamins, au bout de 5 minutes, ils parlaient plus, et ils ont regardé, ils ont posé des questions étonnantes et fascinantes. Donc voilà, je pense que cette question du public, s'intéresser à un public large, c'est pas forcément de vouloir dire simplifier, caricaturer, tout, et que... bon, tout ce que je viens de dire fait que associé, ça ne fait pas forcément un bon film et ça ne fait pas forcément un bon livre. En fait, c'est très difficile parce que c'est l'écriture, que ce soit d'un livre et l'enquête. L'enquête et ses graphies, c'est des milliers de choix aux différentes étapes qu'on passe notre temps à réduire la réalité, à construire et à organiser une composition qui fait qu'à un moment donné, un film a un rythme, un livre a un rythme, et c'est très compliqué. Et en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces milliers de choix qu'on va faire au cours de l'enquête, et que dès la collecte des données, c'est pas du tout un moment où on va capter la réalité, puis on va revenir avec une caméra, Et la caméra sera la restitution de ce qu'on a collecté avant. Ça ne se passe jamais comme ça. Le moment du tournage est un moment d'enquête aussi en soi. Et le montage, bien sûr, est encore une étape essentielle où quand on rentre en montage, on a une vague idée de ce qu'on veut dire, mais il se passe plein de choses au moment du montage et la narration, elle se construit la plupart du temps dans l'épreuve, dans la confrontation avec les rushs, comme la relecture des notes est une construction d'écriture. Il se passe quelque chose de très particulier à ce moment-là. Mais le montage n'est pas du tout simplement la restitution exactement de ce qu'on voulait, ce qu'on veut dire. Quoi. Ça, je ne pense pas. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Marseille, on a créé ce qui s'appelle la fabrique des écritures innovantes en sciences sociales, ce qu'on vient de vous montrer. Où en fait, on essaye de créer un lieu où on fabrique à plusieurs. Parce que la fabrication d'une écriture, que ce soit d'un bouquin ou que ce soit d'un film, ça implique de multiples compétences, de multiples collaborations, et que c'est important de créer ce type de lieu qui n'existe pas forcément dans notre environnement. Donc avant de discuter, je voulais vous proposer de voir le... On a fait un 8 minutes pour le dernier film, donc le dernier film sur lequel je suis en train de travailler. Individual for me, so what I like, I think this is very important, and you see such a thirst of knowledge in China means that they want to be more individual. 17年。 I am in the wine for more 15 years. 也许我会去做一个，在中国去做一个酒庄。如果还有机会的话，到时候请您来做专家指导，因为我想要保证葡萄的品质呢，不想在外面去收购了。 You want to make organic wine? Yes, organic wine. Le gouvernement veut arriver à être le premier ou le second vignoble mondial. L'objectif actuel est 800 000 hectares. Moi, j'ai travaillé ici à Shangxi, dans le Hebei. Shangxi, Taiyuan, and Ningxia, here. Ningxia, and Xinjiang, Tulufan, and now also in the Penglai and Huilai, in Shandong. Ça, on va laisser. Ça peut vieillir encore en barrique. Hein. Le but, c'est d'arriver à ce qu'il oublie un peu les règles et qu'il sente le vin. Saint-Jean, les Caillerets. Ici, c'est des appellations villages. Hein. Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet. Ah, ce n'est pas les premiers crus ni les grands crus. Mais c'est déjà très bon. Hein, c'est... So this side is Chassagne-Montrachet and this side is Puligny-Montrachet. Non, Puligny. Puligny. Puligny. Puligny. Chassagne. Comme que maître, mais le terroir est différent. Mais on mélange pas les mêmes raisins. C'est Puligny, c'est Chassagne. Donc voilà, c'est 8 minutes d'un film qui va en faire 74. Et donc en fait, moi je m'intéresse aux relations sociales entre des Chinois et des Français pour comprendre ce qui se passe à travers le vin. Donc il y a un engouement très important des Chinois pour le vin. Et donc on voit que la question du goût comparé au gingembre, à des fruits qui n'existent pas, et tout ça amène à des interrogations sur la construction du goût. Mais on sait qu'une production, une société qui produit quelque chose, par exemple, pendant longtemps, le vin a été surtout vendu aux Anglo-Saxons et aux Américains, ce qui a eu des conséquences sur les pratiques œnologiques, puisque ça a plutôt favorisé des goûts boisés, avec des vins puissants en sucre, etc. Et les Chinois ont des goûts, ont une cuisine très sophistiquée, et donc ont un goût très sophistiqué. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'inverse. C'est de la diversité et tout, surtout qu'ils sortent d'une expérience politique très, très marquée par l'uniformisation, la standardisation. Et donc, dans leur manière de découvrir le vin, ils ont une curiosité très importante, et ça va avoir des implications sur la manière nous-mêmes dont on va fabriquer le vin, parce que comme c'est les plus gros acheteurs aujourd'hui, donc voilà, ça c'est un des aspects du film. L'autre aspect, c'est le rapport à la nature. J'ai été très étonné de découvrir dans cette enquête où j'ai suivi donc cet œnologue, ce vieil œnologue français de Saint-Émilion qui fabrique des vignobles pour des Chinois, que les Chinois sont obsédés par le bio. Parce que leur pays, en fait, est tellement pollué et a été tellement saccagé que les nouveaux riches qui construisent des vignobles veulent faire du bio. Et donc, ce qui m'intéresse là dans le film, c'est d'essayer de montrer que dans cette relation technique se joue aussi un certain rapport à la nature, une transmission de rapport à la nature qui est assez singulier et qui implique notamment du temps par rapport à une société chinoise qui va toujours très vite. Et faire du vin, ça implique de la lenteur. Voilà. Et donc, il y a trois personnages principaux. Il y a ce Français qui est exilé en Chine, un sommelier chinois qu'on voit, le jeune, qui a une connaissance incroyable des vins français, qui n'était jamais allé en France et qu'on a suivi pendant les vendanges, qui se plante là, entre Chassagne et Montmartre. Et une femme d'affaires chinoise qui est une des plus grosses acheteuses de vin de Bourgogne et qui veut construire un vignoble bio dans le Yunnan chez elle. Je voudrais vous poser une question sur le fromage. Parce que je sais que les Chinois n'aiment pas trop le fromage en général et les produits laitiers. Et donc, du coup, quelles sont leurs pratiques de consommation de vin? Est-ce que, par exemple, il leur arrive quand même de prendre du vin et du fromage ou pas du tout? En fait, il y a 1,4 milliard de Chinois. Donc c'est très difficile de parler des Chinois en général. Aujourd'hui, les Chinois consomment 1,2 litre de bouteilles par an, et nous, on est à 42. Si jamais ils passent de 1,2 litre à 2, c'est énorme en termes de quantité. Et donc, on sait assez peu leur sociologie du goût. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment cette curiosité et cette capacité à apprendre et à reconnaître les goûts et à identifier et à chercher des choses qui forcément ne correspondent pas forcément à quelque chose de très précis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport au fromage, effectivement, il y a une aversion. Mais ça va changer, à mon avis. Ça va changer parce qu'ils s'intéressent ils ont une vraie curiosité sur tout ça. Et ils ont un vrai problème de confiance par rapport à leurs produits alimentaires. Parce qu'il y a eu plusieurs cas d'intoxication, de trafic et tout, du lait, tout ça. Et donc, en fait, consommer des produits de l'étranger, c'est aussi en rapport à la confiance et au corps aussi. Parce que le vin, ils pensent que le vin, par exemple, c'est bon pour la santé. Il y a plein de pubs et tout ça à la télé qui font les louanges du vin pour la santé. Je voulais vous demander, il y a de la musique à un moment donné dans le documentaire, différentes. Et je voulais savoir où vous les avez trouvées et comment vous les avez insérées, parce que moi, c'est toujours une question que je me pose de ce qu'on fait avec la musique. Là, en fait, moi, j'ai travaillé comme compositeur. En fait, il y a plusieurs moments dans le film où il y a des. En Chine, il y a des gens qui chantent des chansons traditionnelles. Et il a repris cette mélodie-là pour en faire quelque chose, parce qu'en fait le film se passe en Bourgogne et en Chine, il y a toujours des allers-retours comme ça. Ouais. Et voilà, et donc il a, c'est lui qui a fait la... C'est pour marquer les lieux les... Ben, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, moi, j'aime bien... En fait, c'est la première fois là, sur ce film où vraiment, c'est vraiment intéressé à la musique. Et je trouve que c'est... Oui, c'est intéressant, pour, surtout pour les transitions. Comme on est sur des lieux très différents et il y a des travelling de passage entre la Chine et la France, bon, la musique était, finalement nous a paru importante pour souligner aussi un peu le sens émotionnel de la situation. La production. C'est pas fait comme les Américains, vous êtes comme la famille d'accordéon à chaque fois qu'on était en France. Non, ben non, justement, on a essayé d'éviter. On a essayé d'éviter. On a essayé d'éviter ce genre de. Ouais. Oui. Non, moi je voulais dire quelque chose à propos de ce que vous disiez tout à l'heure sur la façon d'écouter, la nécessité de l'empathie et les formes d'éthique qu'il faut mettre aussi, presque inévitablement à un moment donné. Parce que, on peut être surpris par des situations qu'on n'avait pas du tout prévues, et malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, on peut tout d'un coup se trouver en train de se demander pourquoi la personne avec laquelle on a travaillé se trouve elle-même choquée par le résultat. C'est-à-dire, une fois que l'entretien, aussi libre fut-il, passe à l'image, et que la principale intéressée se voit à l'image, et surtout se voit au milieu de ses... regarde les images avec ses proches. Il n'y a pas seulement son regard. Il y a la relation que cette personne a avec ses proches, les membres de sa famille, etc. Pour dire plus concrètement, une relation d'amitié et s'est nouée avec une femme avec laquelle on a fait un film, Jacques et moi, qui était responsable d'une association féminine au Burkina Faso. Et vraiment, tout naturellement, parce qu'on se connaissait depuis une dizaine d'années, elle me racontait une histoire, et cette histoire mettait en cause la relation entre sa mère et son père. Et notamment, à travers l'anecdote, enfin la situation qu'elle décrivait, c'était son père lui-même qui était mis en cause, en fait, comme quelqu'un qui avait abusé d'une certaine situation. Bon, bref, mais c'était très intéressant, et c'était presque le cœur du film. Une fois le film achevé, avant de terminer complètement, nous l'envoyons à la principale intéressée au Burkina Faso, en lui demandant de bien vouloir le regarder, parce que voilà, parce que c'est fini, il est fini en quelque sorte. Et on lui donne un temps assez important pour regarder ce film, du genre 2 ou 3 mois. Donc le temps d'y réfléchir, le temps d'y revenir, le temps d'y revenir, enfin, tous les temps possibles. Et puis, le téléphone sonne la veille du jour, but, en disant, là, ça ne peut pas aller au-delà, c'est une victoire. Elle téléphone et elle dit, voilà, j'ai regardé le film avec, justement, mes frères, etc., etc. Et c'est non, le film ne peut pas passer, parce que ce que je dis là, à ce moment-là, ils ne peuvent pas supporter de l'entendre, dire... Parce que ça remet en question le père a été décédé entre-temps, ça remet en question le pouvoir que l'on prête au père, enfin bref. Et nous voilà confrontés à un truc imprévisible. Parce que il était évident que c'était pas derrière son dos qu'on avait fait ça, c'était avec son accord. Enfin, tout ce que vous avez dit, et je le partage complètement, si la personne ne veut pas, enfin, etc., etc. Disons, toutes les conditions positives étaient réunies. Et puis, voilà que... Raphaël, qu'est-ce qu'on fait? Soit on enlève le passage, à ce moment-là, tout était déséquilibré. Ouais. Soit on ne l'enlève pas, ce moment-là, c'est une violence qu'on lui fait, malgré tout. Et ça a été une nuit de réflexion. C'était intéressant parce que, justement, ce sont ces situations inédites qui sont tellement riches d'enseignements, parce qu'on ne peut jamais prévoir cela, justement. Le rapport que les gens vont avoir avec l'image qui leur sera rendue. Et l'image qui est recevable ou pas. Recevable ou pas par les autres à un moment donné. Voilà. Et ça, je voulais l'ajouter parce que c'était pas parfait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a décidé? Oui, qu'est-ce qu'on a décidé? On a créé un suspense. C'est pas vrai. Oui, moi, personnellement, j'ai réfléchi presque toute la nuit. Tellement ça m'a contrarié. En plus, ça m'a contrarié. Non, mais je comprends. Mais non, alors, finalement. En définitive, coupé. Vous avez coupé? Non, on n'a pas seulement coupé, on a reconstruit. Coupé, reconstruit. Ah, d'accord. Ah oui? Oui, coupé, reconstruit. Parce que c'était impossible. Moi, j'ai été confronté, mais je voulais vous montrer cet extrait, mais bon, là, ça a tellement cafouillé. Le premier film que j'ai fait au Kyrgyzstan, on travaillait sur l'observation électorale. Et le film se termine par... On a filmé une fraude. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui bourrent l'urne. Et donc, franchement, c'était filmer ça, moi, j'étais effondré. J'étais effondré parce que c'était un village, c'était une vallée dans laquelle je travaille depuis 5 ans là-bas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui venait de me confier un truc énorme, quoi, comme si c'était un meurtre. Voilà. Et en plus, par rapport au film, c'était hyper intéressant. Parce qu'il y avait l'observation électorale qui disait qu'il n'y avait pas eu de fraude et tout ça. Et nous, on a filmé exactement l'inverse. Et donc, j'étais avec un collègue kirghiz qui était avec nous. Et on était tous... Alors, le caméraman qui était un ami français qui, lui, il était super content. Il a dit ça, c'est génial et tout. Et moi, je lui ai dit, mais attends, tu te rends pas compte, moi, je sais plus quoi faire là par rapport à ces gens. Ça fait 4 ans, 5 ans que je suis là et tout. Et on a beaucoup réfléchi. Et en fait, on l'a gardé. On l'a gardé, mais... Alors, pourquoi? Parce que... Pareil, on n'a pas dormi la nuit, on a beaucoup discuté et surtout, on a essayé de comprendre pourquoi ils nous ont laissé filmer ça. Parce qu'après tout, ils auraient pu nous dire... Et en fait, avant que la fraude commence, il y a un des personnes influentes du village, il est venu me voir, il m'a dit, ton film, est-ce que ça va passer à la télé demain? Je lui ai dit, ben non. Et donc lui, son problème, c'était là. Et en fait, j'ai compris que pour eux, la fraude, c'était hyper important parce qu'il fallait qu'ils montrent au nouveau président que le village soutenait à 95% sa nouvelle politique. Et donc pour lui, c'était ça, sa priorité. Et donc une fois qu'il a su que nous a laissé filmer, et donc ensuite... On s'est beaucoup posé la question de dire, mais en fait, si nous nous ont laissé filer, c'est que ça veut dire aussi quelque chose par rapport à nous. Oui. C'est qu'ils s'en foutent qu'on soit là, d'une certaine manière. Nous, on n'est pas des journalistes, ils avaient des objectifs qui étaient très concrets. Et donc finalement, on l'a gardé, parce que ça veut dire quelque chose aussi. Une fois que, voilà, ce film n'a pas été montré immédiatement dans le pays, etc. Donc, voilà. Mais c'est sûr que... Oui, mais ça ne mettait pas en cause une personne. Non. La parole d'une personne. Oui, je vois. Hein. Mais à ce moment-là, la personne... Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans votre cas. Mais c'est non, le problème de montrer le film avant, et en plus, c'est hyper compliqué. Parce que... Oui, et en plus, le film traitait de la liberté de parole. Ah ouais. C'est hyper compliqué de montrer. Moi, je ne montre jamais le film avant, je sais. Parce que c'est un pari. C'est important, justement. Ça, je sais, je sais. Ça fait partie de ce que... Ça fait partie des... Tout à fait. Si on montre, c'est vrai qu'on risque ce genre d'aventure que nous avons vécu. Mais si on ne montre pas, oui. Non. Quand je parle de film en collaboration, je suis en train de faire un film sur Maurice Godelier, justement. D'accord. Donc il est convenu depuis le départ, je te montre tout ce que je tourne sur toi. D'accord. Tu vois tous les montages et tu me donnes ton accord. Ouais. J'ai pas ça. Oui, enfin, c'est bon, non, pas que bien, c'est assez fantastique. Mais là, je fais aussi le pré-montage du début. Il y a un dispositif curieux pour présenter le film. Donc je vais montrer ça pour qu'il soit d'accord avec le dispositif. Et la première chose qu'il a, enfin, pas la première, mais presque la première chose qu'il a vue, tu sais, Jacques, tu m'as filmé il y a deux jours, là, j'ai vu la séquence, j'étais pas bien. Il faut qu'on le refasse. Parce qu'il n'était pas en forme. Son image, un seul coup, il n'y avait pas. Il n'y pas cette image, un seul coup. Est-ce que tu le maquilles aussi avant? Il a 83 ans, donc il a la tête d'un monsieur de 83 ans. Et donc, il n'accepte pas sa tête. Mais il a le souci de la postérité. Donc, Jacques a donné la bonne solution, maquillage. Il faut faire ça. Je lui ai proposé. Donc, c'est vrai que la collaboration, dès qu'on commence à accepter que tout le monde donne un avis, on se tend les pièges fabuleux. Bon, après bon, là, par exemple, le dernier film que j'ai fait, l'œnologue français qui a 74 ans vient de décéder. Ce qui, pour moi... Le monsieur content. Le monsieur en cigare. Ouais. Il devait venir... il était en France, en fait. Il était à Saumur. Et il s'est effondré, crise cardiaque. Et trois jours après, il devait venir à Marseille pour que je lui montre le film. Donc, ce film, il existe dans, en grande partie sur la relation qu'on a créée. C'est une relation d'amitié, presque. Mais le film que j'ai fait n'est pas une, un panagérique sur son personnage. Et j'étais content de lui montrer aussi. J'étais un peu inquiet aussi de ce qu'il allait penser. Parce que quand on... c'est difficile de moi-même, j'aimerais, je ne sais pas si j'aimerais être filmé et si l'effet que ça me ferait de... Mais le par contre, du quelqu'un pour prendre le film de Gaudelier, si je passe outre ou j'élague un petit peu, le vrai problème, c'est qu'il va après avoir des... Il ne va pas aimer. Et quand il parlera du film, il ne dira pas « je suis mal filmé ». Il dira qu'il n'aime pas le film parce que, voilà, il va biaiser. Bon, c'est un homme honnête, hein, je crois. Je ne crains pas ça, disons, dans une situation générale. Quelqu'un pourrait après très bien attaquer le propre film qui est sur lui simplement parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a jamais osé dire. Donc je pense qu'il faut montrer. Il y a un bon exemple dans notre petit monde, c'est le film de télé qui est un film fait par quelqu'un de télé, qui a été fait sur les Pinsons Charlot et leur travail. Vous l'avez vu? Sur Striptease? Non. Le Striptease? Non. Parce qu'il y a un striptease qui est où ils observent la chasse à cour et tout, là. C'est pas ça? Ah si, c'est ça. C'est ça. Il y a la baronne de Rothschild, ouais, etc. Ouais. Oui, c'est celui-là. Mm-hmm. Parce qu'il y a une forme de dérision, parce qu'ils se sont prêtés au jeu, quand même. Bah c'est ouais. Pas complètement évident. Bah hein. Ouais. Et c'est un film à voir et à réfléchir. Hein. Parce qu'ils ont fait ça avec beaucoup d'humour, tous les deux, où ils sont mis en scène comme chercheurs, ouais, dans leur pratique de chercheur, avec leurs interlocuteurs. C'est vraiment très intéressant à voir. Oui, j'avais une question concernant votre mécanique de tournage, en fait. Vous dites que vous parlez au pluriel, donc vous la fessie, etc. Est-ce que c'est vous qui captez les images? Est-ce que vous êtes avec les professionnels de la captation vidéo? Quelles sont vos conditions de tournage? Comment vous abordez ces terrains-là? Alors, vous avez évoqué trois étapes en disant que effectivement, chaque moment est un récit d'enquête, l'exploration, la collecte exploratoire. Le moment de captation comme un moment différent, parce que vous pouvez pas filmer de manière synchronisée, et puis ce moment de montage. Alors, en fait, moi, j'ai fait des choix très pragmatiques. C'est-à-dire que d'abord, j'ai une formation d'anthropologue, ensuite, j'ai fait une formation à Gobelin Images, qui est une école de formation sur l'image. Mais j'ai jamais été à l'aise avec la caméra ou avec un appareil photo. Donc, moi, j'arrive pas à écouter, observer et en même temps faire le point, etc. Donc par contre, j'ai choisi de prendre le son. Donc, je travaille avec quelqu'un qui fait l'image, mais c'est moi qui prends le son. Parce que, en plus, je trouve que le son, c'est hyper important dans un film, et c'est aussi par rapport au placement avec les gens qu'on filme. Voilà, enfin, il y a quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Frédéric Wiseman, qui travaille comme ça aussi. Donc moi, c'était, je suis pas à l'aise, quoi, avec la caméra. Ou même quand je fais du terrain classique, j'arrive pas à écouter les gens, à prendre une photo en même temps et tout. Vous avez Et d'ailleurs, j'ai peu de photos de mes terrains, je regrette beaucoup. Et je monte avec un monteur aussi. C'est important parce qu'il y en a qui montent tout seuls. Et moi, j'aime beaucoup la relation aussi avec quelqu'un qui me dit ce que tu me dis là, je ne vois pas l'image. Et tout ça, c'est quand vous montez le projet de recherche, oui. Tous ces frais-là sont inclus dans le montage financier du projet. Comment ça se passe quand il y a... Chaque film a son histoire, mais ouais. Moi, les deux premiers films que j'ai faits, je les ai faits financés par la télé. Ça a été une expérience horrible que je ne referai pas. Pourtant, c'était Arte, c'était France 5. C'est pas TF1. Hein. Et donc, le troisième, celui que je suis en train de faire, j'ai déposé un projet à NR dans lequel j'ai dit dans ce projet, il y aura un film sur ça. Et donc, c'est financé comme ça. C'était horrible à cause des contraintes du journalisme audiovisuel ? C'était parce qu'il fallait que ce soit un 52, qu'il fallait qu'il y ait une voix off, qu'ils ont massacré le film. Enfin, voilà. Et que j'étais jeune, que j'ai pas réussi à. C'était garé, à l'époque ? Comment ? C'était garé ? Non. C'était la productrice qui avait produit le film, qui, moi, j'ai jamais eu une relation écartée, qui nous a elle-même imposé un truc horrible, quoi. Et le deuxième film, c'était France 5, et là, c'est la responsable de la case. Pareil quoi, avec des idées. Oui, des formatages. Ouais, voilà. La télé, tout est figé comme ça. Ouais. Oui, mais bon, après, ça dépend de son statut. Moi, j'étais jeune, j'avais jamais fait de film et tout, mais quelqu'un qui a pris l'autorité. Je travaille dans ma thèse justement sur un réalisateur brésilien qui s'appelle Eduardo Coutinho. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il a déjà travaillé à la télévision. Ouais. Il est parti justement parce qu'il n'en pouvait plus de ses règles qu'il était obligé de suivre. Et il voulait faire des films justement comme il voulait. Voilà. Il ne voulait plus respecter ses règles. Même s'il a beaucoup appris aussi avec le terrain et tout ça, ouais. Mais c'est parce que c'est partout pareil. La télévision, elle impose ce modèle et on ne peut pas faire autrement. Et en termes d'écriture de la recherche, justement, avec toutes ces parties prenantes, monteur, celui qui filme, etc., ouais. Vous écrivez, comment ça se passe en fait ? Alors, c'est vous qui dites, celui qui prend l'image avec la liberté d'emblée un regard, une manière d'orienter et d'interpréter le projet de recherche et la situation qu'il observe, et comment vous intégrez ces regards-là, ces regards croisés dans l'écriture du projet, et comment ça devient l'écriture collective ? Jacques Audiard dit que un film, c'est une signature individuelle d'un travail collectif. Il disait ça à propos de Prophète. Il racontait notamment ses relations avec un gardien de prison avec qui il a beaucoup travaillé pour préparer le tournage. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Parce que, justement, parfois être tout seul sur le terrain, j'ai trouvé ça dur. Et l'expérience du tournage, quand on est avec ma chef-op, c'est une de mes doctorantes qui a fait une école de cinéma. Je l'amène en Chine, elle ne connaît rien au sujet, mais elle apporte un regard différent et intéressant. Et après, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui se construit, mais c'est moi qui fais des choix. C'est moi qui lui dis, là plutôt en plan serré, là plutôt... Et après, il y a des moments où c'est elle qui propose des choses et tout ça. Et le monteur, c'est pareil. Le monteur, c'est très important aussi, la relation au monteur. Parce que parfois, nous, on dit, ah oui, mais là, il y a un truc super, et on l'explique, et puis le monteur dit, je suis désolé, mais ce que tu me dis là, je le vois pas, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est un dialogue intéressant, une confrontation douloureuse parfois, mais vachement stimulante aussi, parce que ça oblige à... Ça pose la question de l'esthétique. Ouais. C'est-à-dire la confrontation des sensibilités. Ouais, ouais. Et après, qui est redoutable parce qu'au fond, à un moment, il faut une unité de perception. Et sans ça, il y a un moment où il faut un choix, il faut une cohérence dans les choix esthétiques en particulier. Dans le film d'Audiard sur Prophète, la cohérence, elle est en travail du son en particulier. C'est extraordinaire. Mais bon, et qui introduit dans la prison par le son d'ailleurs. Et d'ailleurs, la relation au producteur aussi, un vrai producteur, c'est quelqu'un qui vous accompagne normalement. Le film qu'on a fait sur les vignerons, là, c'est Véronique Frigosi qui a produit ce film, qui est une dame une vieille dame de la télé. En même temps qu'on faisait ce film, elle lisait des bouquins sur le sujet, on discutait, incroyable quoi. aujourd'hui, c'est difficile à trouver. Et un producteur, il est là aussi pour dire à un moment donné, pour vous élever, quoi. Parce que parfois, c'est vrai que nous, on est tellement, quand on est en... Faire le deuil de certains rushs, c'est hyper dur. Mais parfois, c'est nécessaire parce que pour la cohérence d'un film, le rythme, c'est hyper dur. Faire un film de 3 heures, c'est parfois plus facile que faire un film de 80 minutes. Et ce travail de d'élagage, bah, quand on fait un livre, parfois, c'est peut-être plus aussi, c'est plus facile de faire un livre de 400 pages que de voilà. Et ce travail de concision au cinéma, il est vachement important, quoi. Et ça, c'est douloureux. Mais est-ce qu'en fait, je veux revenir à la question du public. Ouais. Est-ce qu'en fait, l'ouverture vers ce public-là n'oblige pas l'anthropologue ou le sociologue, ouais, à réviser ses codes de narration? Parce qu'en fait, c'est une confrontation avec d'autres systèmes de représentation et de lecture de l'image. Alors, comment on fait dans ce cas? Parce que là, c'est un point vraiment important. C'est soit on fait des films et on dit le périmètre de la communauté des anthropologues ou de la communauté des sociologues, ou bien on dit, voilà, ce périmètre-là peut être élargi. Et dans ces cas, on incorpore d'autres façons, y compris les smartphones, enfin, tous ces trucs qui sont qui portent des images, qui portent des formes esthétiques complètement. Et comment on fait? C'est ça le... On n'a plus la grande parole biblique pour tenir l'image. C'était une parole unique depuis du temps. Maintenant, tout est éclaté. Comment on fait? Ça, c'est une vraie question. Comment on va faire? Parce que sinon... Ben, en fait, si tu veux, par exemple, Jean-Claude Passeron, qui a été sociologue, qui a beaucoup réfléchi sur le raisonnement sociologique, etc., il a développé un vocabulaire et une écriture totalement ésotérique. C'est illisible, c'est insupportable, enfin pour moi. Et il s'est coupé. Il peut peut-être discuter de ce qu'il a fait avec 4 sociologues aujourd'hui, mais moi je ne fais pas ce métier pour discuter avec 4 personnes qui... Donc je peux écrire un article qui va peut-être s'adresser à 4-5 personnes qui vont avoir envie de partager avec moi, mais ce qui est important, je pense que c'est la multiplicité de la stratégie narrative. Et que, et à la rigueur même, on peut faire un film expérimental qui s'adresse à... Mais dans notre carrière, je pense qu'il faut s'autoriser aussi, et on fait ce métier quand même pour être en rapport avec des gens qui peuvent avoir l'intérêt par rapport à ce qu'on fait, parce que moi je trouve ça très douloureux de faire un bouquin. J'y ai passé 10 ans, j'ai l'impression que personne ne l'a lu. C'est... Et le film, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez satisfaisant par rapport à ça. C'est les échanges qu'on peut avoir avec des publics très très différents. Bien sûr. Et ça, c'est moi, ça m'a beaucoup apporté dans ma recherche. Tu vois, pas seulement... tous ces moments, c'est aussi des moments de la recherche pour moi. Parce que tu as des retours, tu as des interprétations, des trucs et tout. Et ça, franchement, quand tu fais un bouquin, tu as passé 10 ans... Il a été vendu à 1000 exemplaires, t'as l'impression que... T'as de la chance que c'est 1000. Ouais. La moyenne, c'est 500, on pense. Et pour ça, le film... Et c'est pas pour ça qu'on fait des choses de simplification, tu vois. Là, c'est ça. Mmh. Non, mais... Oui. Oui, mais justement, je voulais rebondir par rapport à vos deux témoignages et rajouter à votre intervention qui était super, merci beaucoup. Un point de plus, vous parliez des narrations, de public, des représentativités, mais je crois que c'est dans ce que vous avez dit, mais c'est dans l'art, l'esthétique. Okay. Enfin, il ne faut pas oublier que le cinéma et le film sont, malgré nous, rentrés dans les œuvres d'art, enfin, dans les objets d'art, et quand on fait un film, on fait quand même un objet à plus tendance esthétique et donc artistique. Qui est différente de celle d'un livre, comme vous venez de parler, je m'étais noté ça, c'est justement quand on fait une thèse, on aspire à la faire publier et on sait pertinemment que très peu de gens vont la lire, donc on fait des années de travail pour... On pense au jury fantôme qui va dire ça. Non, mais surtout, on espère que ce soit publié et que quelqu'un va la lire. Oui, voilà, on pense à la postérité. Alors que quand on fait un film, on sait d'ores et déjà, enfin, si on est un tout petit peu ambitieux, même avec un tout petit film, qu'il y aura bien plus de gens qui vont le voir. Et donc, je rajouterai à votre liste, le public, narrativité, etc., cet aspect esthétique et artistique qui n'est pas à négliger. D'un côté, parce qu'il y a tous les droits, les ayants droit, les droits à l'image, et vous parliez de cette dame qui ne voulait plus se faire entendre. Et puis, il y a le côté esthétique qui nous ramène à hein, est-ce que je suis bien, est-ce que mon image est belle, est-ce que je vais bien passer à la caméra. Et il faut le penser parce que du coup, ça nous amène au titre de votre communication d'aujourd'hui, c'est l'innovation de l'écriture. Et le fait d'être dans les sciences sociales et créer et produire des films, ça nous oblige à penser à écrire différemment les sciences sociales, avec un pendant esthétique important, sans oublier le pendant des sciences humaines. Et voilà, je voulais juste rajouter cette côté œuvre d'art, plutôt artistique, un point artistique à ne pas négliger et qui nous donnerait un plus aux chercheurs qui s'intéressent à l'image, si on pense aussi à faire notamment je pensais à votre cadre sur les vignobles en Bourgogne, il est très très beau, enfin il est très beau et du coup on ne s'ennuie plus, on pense plus à un documentaire sociologique, mais c'est une belle série d'images et on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'ils vont dire à ces messieurs qui récoltent les vignes parce qu'on a des gros cadres. Du coup, il a fait l'accent dessus. En fait, je pense que cette question, il n'y a pas de différence entre l'écriture d'un livre et d'un film, parce que moi, je m'occupe d'une collection de livres qui, justement, s'intéresse beaucoup à la question de l'écriture. Défend l'idée qu'il vaut mieux écrire à la première personne parce que ça permet d'expliquer tout un tas de choses, de situations, etc. Pour penser au lecteur et au lecteur non spécialiste. Parce que moi, c'est vrai que depuis le début, je travaille sur une zone qui intéresse très peu de gens. Quoi. Au Kirghizistan, tout le monde s'en fout en France. Quoi. Donc, ça, du coup, moi, c'est vrai que j'ai été confronté à des questions différentes. Mais bon, pour dire que, en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer forme et fond et que l'esthétique. C'est des choix aussi qui sont en rapport avec le fond. Quoi. Alors, quand on parle de forme, justement, une observation qu'on peut faire dimanche matin, Comoli intervenait aux ateliers Varan et nous présentait M. Arcadine d'Orson Welles pour montrer qu'après la guerre, à cause de ce qu'il y avait dans les mentalités, le cinéma avait subi une évolution très rapide, en particulier la narration avait été bousculé et qu'on se retrouve de plus en plus aujourd'hui le cinéma est une cinéma où je veux dire quelqu'un qui n'a pas de culture cinéma a du mal à suivre une histoire, ça devient très très complexe etc. En cinématographique j'ai vu, mais trompez-moi je cours tout de suite pour le voir, je n'ai vu pratiquement que des films qui suivent une sorte de narration linéaire avec un début et une fin. On prend le film, c'est pas d'anthropologie, c'est la politique, Giscard, etc. Ben, on voit là, et on aura la fin, etc. Donc il y a très peu, par exemple, j'ai vu très peu de films qui parlent d'une société chez nous ou ailleurs, dans lequel, et dans cet esprit sociologique, anthropologique, dans lequel on fait un retour en arrière, par exemple. On a l'impression qu'il y a une narration linéaire, un début, une fin, et entre deux, on va vous dire plein de choses importantes, mais on ne nous force jamais à, quelque part, dire, oui, tiens, revenons un peu en arrière, puisqu'on nous a dit, et notre cerveau est emmené dans le temps et dans l'espace. On a un spatio-temporel linéaire à 98%, j'en ai pratiquement jamais vu. Sauf si vous dites, si il y a tel film, je ne crois pas. Et ça, c'est un problème. On se dit, mais pourquoi, dans ce domaine-là, les gens n'ont pas une écriture plus, excusez-moi le terme, je vais même mettre du qualitatif, plus subtil. Parce que quelque part, le spectateur n'est pas quelqu'un qui suit une histoire qu'on lui raconte. Là, vous disiez très bien que tout le monde veut maintenant qu'on raconte des histoires. Alors, le film éthnographique raconte des histoires. Enfin, c'est très compliqué, cette histoire de narration, parce qu'effectivement, il peut y avoir des accès dans le cinéma, des accès dans le documentaire. le storytelling en est là. Mais après, il y a eu, je pense que la volonté des sciences sociales de se distinguer du roman, de la littérature, des arts, et à construire un discours non narratif, très objectivant, avec des concepts et tout, nous a conduit dans une impasse, à considérer que le sérieux était du côté de la science et que le léger, le frivole était du côté des artistes. C'est ridicule, hein. Mais ça a conduit aussi à des impasses de l'art aussi. Parce que le langage ésotérique de l'art contemporain. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que... C'est pire que Passeron. C'est pire que Passeron. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute même avec des gens qui sont dans des écoles d'art et tout ça, ce que je dis moi sur le langage ésotérique et hyper élitiste des sciences, ben, finalement il y a des artistes qui disent ben, c'est pareil hein, oui, chez nous. C'est pire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, moi je vois que les choses bougent et tout, et je vois là des films assez étonnants. J'étais au festival Jean Rouch cette année, j'ai vu des films très étonnants sur l'imagination et avec des gens qui ont des parcours assez variés, qui ont des doubles formations. Et j'ai l'impression que c'est quand même en train de changer, quoi. Et j'ai l'impression que, peut-être que je vais être un peu caricatural, mais j'ai l'impression que les films dont vous parlez, c'est peut-être pas des films, c'est des textes qui ont utilisé des images comme des textes. Si je veux dire. Ouais. Et souvent, la force de l'écrit a été tellement. C'est imposé dans les films ethnographiques, dans les films sociologiques, on connaît ce rayon-là. Et l'image, c'est qu'une illustration d'un discours qui était déjà construit. Quoi. La plupart des films sociologiques, on voit ça déjà. Donc, comment casser cette trop grande puissance de l'écrit et de la logique narrative, hein, ça vient de la logique, donc il y a toute une tradition historique qui remonte de les Grecs, comme vous savez. Donc il y a tout un déroulé comme ça qui fait que l'image, c'est pas vraiment, genre, c'est pas sa potentialité qui s'exprime. Et ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est comment faire pour restituer à l'image sa potentialité narrative. C'est ça l'intérêt de la... Et je pense que c'est le documentaire aussi qui a été un peu créé dans cette dynamique-là, d'être didactique, voilà, d'expliquer la chose comme elle est. Donc c'est pour ça qu'il y a cette esthétique linéaire, comme ça, d'organisation du discours, alors que les gens se permettaient de faire des allégories plutôt dans la fiction. Absolument. Donc je pense que c'est plutôt ça aussi. Et c'est maintenant qu'on commence justement à faire dialoguer le documentaire avec la fiction et de montrer qu'on peut faire un film documentaire, mais avec un montage beaucoup plus proche des films de fiction. Avec la fiction et la création artistique. Et la création artistique. C'est très important. Ah, oui. Et même on peut aller plus loin et dire, parce qu'il faut voir comment ça évolue dans les télés. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans le système américain maintenant. C'est-à-dire que les producteurs d'émissions vont chercher des réalisateurs qui vont esclavagiser sur des projets dans des formats hallucinants. Et donc on est dans un système. Alors que la chance qu'on a dans un espace académique actuellement, ça serait de créer des espaces de communication entre différents praticiens qui soient des sciences sociales, au sens large, hein. Ouais. Cinématographique, à mon sens, ça ne veut rien dire. Ça a été une étape du cinéma qui avait toute son importance. Des gens qui appartiennent, qui réfléchissent sur la forme quand on est face à la question de réfléchir, comme l'a dit Cédric, réfléchir sur ce qu'on peut dire du monde qui nous entoure, etc. Et c'est une question politique au bon sens du terme. C'est-à-dire, les Chinois font ça, puisque le cinéma chinois documentaire actuellement, c'est quelque chose de fabuleux. C'est là où la société chinoise, qui n'a pas le droit de s'exprimer par les moyens dont nous, par chance, on dispose, se réfléchit. Et réfléchit sur elle-même et produit quelque chose qui est son avenir, quelque part. Oui, tout à fait. Mon assistant sur ce film-là a fait un film. Mais eux, ils ont des contraintes tellement difficiles sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. C'est que du coup, ils ont une imagination et lui-même, il vient de faire un film qui est génial. Donc c'est vrai. Et un des aspects que tu as souligné tout à l'heure sur le scientisme, en gros, on voit très bien que des fois aussi dans les films de sciences sociales, il y a toute une fétichisation de la réalité. On va montrer la réalité. Ouais. Ben oui, la vérité. La vérité. Alors, okay, il y a une de nos étudiantes qui est allée en Colombie qui expliquait une scène où il y avait un chaman qui tenait une calebasse. Et dans la calebasse, normalement, il devait voir l'esprit des gens qui faisaient scène. Quoi. Et je lui ai dit, mais si vous plantez une caméra, comment vous allez voir ça? C'est impossible à voir. C'est possible de trouver des formes extra sciences sociales ou des réalités augmentées dans les sciences dures pour figurer ça, pour figurer cette réalité. Une grande question de cinéma, voilà. C'est qu'a résolu Dreyer en faisant un film vampire, voilà. Dans aucun moment on ne voit un vampire. Oui, mais à chaque instant, on imagine comment les gens les sentent. Oui, mais il y a ce film anglais. Et ce film anglais sur le monstre est encore vivant, et jusqu'à la dernière minute, tu vois pas le monstre. Donc, nous, on s'imaginait que c'était un type qui mangeait des gens. À la fin, on trouve un bébé avec deux dents. Et tout ça. C'est un peu ça, un peu la magie. Mais en fait, on est dans une phase où on peut s'autoriser à re-questionner, à revisiter certains acquis. Et peut-être même à oser des hypothèses nouvelles, c'est ça. À risquer, je pense que c'est ce qui est oser, important, quoi. En fait, c'est de... C'est ça. Mais Jean, l'histoire de la montrer la réalité, je veux dire, alors, lorsqu'on lit les cahiers du cinéma, le hors-champ, c'est un l'écriture cinématographique. C'est sûr. Regardez dans les documentaires, quand on utilise le hors-champ, jamais. Si j'en connais un, je connais un plan fabuleux pour ça, c'est Récipane. Oui, mais c'est... Je sais comment il s'appelle, c'est son plan... C'est ce film sur les prostituées de Phnom Penh. C'est très dur aussi. Et là, il y a un moment, il y a un plan, caméra fixe, c'est souvent caméra fixe, hein, il n'a pas peur de la caméra fixe. Oui. Il pose sa caméra, et là, il y a la prostituée qui est là, et il y a le Mac. Et le Mac ne veut pas se montrer. Il parle d'une situation contraignante pour en faire un objet cinématographique. Voilà. La fille parle, lui répond. Hors-champ. Et on l'imagine comme on veut, cet homme. C'est la vraie fonction du hors-champ. Pourquoi le cinéma documentaire n'utilise pas l'hors-champ? Et c'est compliqué, parce que moi qui l'ai en tête, hein, je ne trouve pas du hors-champ. Je donne du sens à tes images et du hors-champ. Je filme et quelqu'un parle, je le mets comme un con, la tête devant lui. J'ai raté. Alors de temps en temps, j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, on a des très mauvais réflexes qui fait qu'on veut voir celui qui parle, mais qu'on voit. Pourquoi? Qu'on entend déjà. On pourrait s'intéresser à autre chose. Et quand on entend, les Wise Men. Alors j'ai vu, excuse-moi, je vous prends un instant, j'ai vu ici un film montré chez Paris Colem. Un film montré par l'étudiante qui faisait la formation dans un pays d'Amérique latine et forme les gens à faire du cinéma. Mission accomplie, les gens de l'Amérique latine font du cinéma comme nous, parce qu'elle leur a donné des formes qui sont les nôtres. Alors, quand j'avais vu, alors c'est en 73, je ne sais pas si tu as vu ça, à Chicago, bon, à Congrès, machin, etc., il y avait des films qui sont faits par les Navarros. Bon. Ils filmaient, qui ont les caméras, ils expliquaient les principes et ils ont fait leur film. Alors, il y a un plan qui dure sur un buisson, quatre minutes. Et pour le Navarro, c'était très important. Ah oui. Le grand problème, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement standardisé nos réflexes cinématographiques, parce qu'on appelle, on apprend les mêmes choses de la même manière avec les mêmes gens, qu'on fait tous la même chose. Donc, je dirais au niveau du cadrage, mais moi, je parle au niveau de la construction temporelle, on est vraiment on est handicapé. Je pense qu'il y a une révolution à faire dans nos. Intellectuellement, pour changer peut-être notre manière de filmer. Et une des. Peut-être même que l'anthropologie, c'est le moment peut-être où on peut incorporer, importer plutôt d'autres formes de narration, des formes originales de narration, qui peuvent enrichir la façon de faire. Moi, je pense que le film, aujourd'hui, est un excellent outil pour réfléchir les sciences sociales et faire des images dans le terrain, ce que vous disiez, Fiki Verti, c'est une façon aussi d'essayer. De réfléchir à ce qu'on est en train de faire, observer à travers la caméra, en tout cas. Pour moi, c'est très très riche d'observer à travers la caméra et de revenir sur mes images. C'est une excellente prétexte pour repenser à la façon dont on va écrire et mettre en forme son terrain. C'est riche. Je vous invite surtout à ce qu'on essaye de construire à Marseille actuellement, autour de la fabrique, là, L'innovation, c'est un mot aussi un peu pompeux par rapport à nos institutions, parce que le cinéma existe depuis longtemps et tout. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment... il nous faut un lieu avec des moyens et des lieux de collaboration, parce qu'en fait, on est devenu très, très marginal, et qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience d'une communauté, et s'équiper, et faire la promotion d'un certain type de film et tout. Donc voilà, on en discute pas mal avec Bénédicte Barrier de la direction de l'audiovisuel à l'EHESS. Et on veut faire, on est à la Décharité, qui est un super endroit où il y a un cinéma et tout. Donc on va essayer de faire des choses ensemble et on serait ravis d'accueillir les. Parce que nous aussi, on a des étudiants qui font des petits films courts qu'on veut montrer, etc. On réfléchit avec le Cléo pour la question de la diffusion, parce qu'aujourd'hui, avec les plateformes, la question de la diffusion est en train d'être totalement révolutionnée. C'est plus la télé. Voilà, donc merci pour l'invitation et puis j'espère que je vais faire une projection du film.